Ça rec là? Ouais, ça rec là. Ça rec Next Generation? Ah si, elle est bien. Elle est pas mal. Ouais. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh là, il y a moins de monde ou quoi? Bien sûr. Bien bonjour. Sûr. Bien sûr. Bonjour, bonsoir, bienvenue en tout cas dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast en catimini, j'ai envie de te dire. Au milieu de la nuit. Au milieu. C'est quoi, c'est une chanson? Au milieu de la nuit. Ta ta ta ta en ta. En catimini. Ta, la, la, la, Adrien et Florent. Ta, la, la, la, ils font un Floodcast. Lily Cube. Oui. Donc, Adrien et moi, nous sommes tous les deux présents. En fait, ça faisait, on en a parlé dans le dernier épisode, donc en même temps, mais ça faisait quelques temps qu'on voulait se refaire un épisode que tous les deux, tranquillement, voilà, parce que à la bien, cousin d'ailleurs, parce que voilà, à chaque fois il y a des invités nous emmerde en fait. Et ça nous casse les couilles depuis le début. On essaye de parler, on leur coupe la parole un maximum pour essayer de leur faire comprendre. C'est notre show, ok. C'est ça. Et qu'ils reviennent le moins possible, mais ils reviennent. Ils donc reviennent, ça, c'est vraiment... ils sont contents, ils partagent les épisodes. Lisez les messages en fait qu'on vous envoie, putain. Eh, on rigole. Bah ouais, attends. Non mais c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on se disait c'est cool aussi de pouvoir parler aux auditeurs. Sachant que petit truc quand même qui fait tout son intérêt, on l'avait fait avec l'épisode avec Ben Mazuet, Marine Baousson et Béranger Krief. On a ouvert ce qu'on appelle un speak pipe. Qu'est-ce qu'un speak pipe, Adrien? Alors c'est un service qui c'est sur le web. Hein. Ah oui oui. C'est sur le web. Si on a Firefox. Ça fonctionne? Ça fonctionne, okay, sur tous les navigateurs. Chrome, oui, oui, oui. Ouais. Tout, alors, ouais. Tous les navigateurs Chrome-based, ouais. Parce qu'il y a Vivaldi, il y a Chromium, tout fonctionne. Bon, et non, et en fait, ça permet juste. Bon, c'est un répondeur téléphonique, tout simplement. Oui, voilà. On laisse des messages audio, et nous, après, on les écoute et on dit: ah oui, Black Mirror, c'est marrant. Oh non, non, non, non. Je rigole, en Adrien, plus il y en a pas. Non, non, on a reçu vraiment quoi, beaucoup, hein. 500. J'ai été très négatif, je m'excuse, pardon. Je présente mes excuses. Oh là là. Je traverse une période quand même pas simple. Alors que d'habitude, je suis vraiment ultra positif. D'habitude, tu es comme un youtubeur, tu es ce qu'on appelle le Francky Vincent du podcast, tellement c'est de la joie de vivre dans notre gueule. Et, du cul, de la baise. D'ailleurs. J'ose te poser la question, est-ce que tu veux mon zizi? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, non. Bah, je vais te le donner. Ah ouais, ouais, ouais. Mais les gens écoutent, hein. Ah ouais, non, ce qu'on est en train de faire. Oh, tu sais. Donc, on sait qu'on fera moins d'écoute sur celui-là, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. Peut-être pas. Peut-être pas. Pourquoi? Donc... Parce que les gens nous ont redécouvert comme duo grâce. Ah, c'est une transition que je fais. Oh, c'est magnifique. Grâce à la vidéo Combini, putain. C'est vrai qu'on a sorti. Je t'ai coupé en plein. T'as eu raison. Non, non, mais c'était sublime. Écoute, Floodcast, c'est aussi des digressions, même dans. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, on a fait il y a quelques temps la vidéo Combini. Il y a 2 ans, je pense. Ouais. Ouais, j'avais des cheveux et Trump était au pouvoir. Donc, ouais, c'est vrai. On avait fait une vidéo Combini où on résumait Jurassic Park. Mais oui, est-ce qu'on rentrait de la toussure ou je dis n'importe quoi? Je peux te dire exactement. Non, non, je rentrais de la vidéo avec Maxence, McFly, Carlito et Léopold. Ah, on oui, avait ouvert un resto au ski. Mais j'ai pris une photo juste après. Voilà, je l'ai. Et donc, c'est 10 novembre 2019. Putain, on connaissait même pas le Covid à l'époque. À l'époque, putain. Mon gars. Et donc, pourtant, il pointait le bout de son nez, je crois. Déjà. Ah ouais? Ah, oui, c'est novembre 2019. Il était déjà dans. Il était pas loin. Donc il n'avait pas encore percé. Les gens ils lui disaient t'es qui sur Twitter. Maintenant ils savent. Et donc on avait fait cette vidéo format culte de Combini, des gens résument des films avec des blagues. Et on avait été mis sur c'était sur Twitter et sur Facebook. Voilà. Et pas Instagram. Et donc on a fait plusieurs blagues. Adrien en a parlé dans le dernier épisode. Et il faut le dire, Combini doit nous écouter et ils sont quand même très sympas avec nous, puisque la semaine de la diffusion de l'épisode, ils l'ont mis et sur Insta et sur YouTube. C'est et vrai. Donc voilà, ça nous a fait très plaisir. On a vu plein de retours super sympas. Donc alors je remercie du coup Captain Nemo, je sais pas s'il nous écoute, ouais. Qui est acolyte notamment de JB dans le podcast sur le cinéma. We Are TFTC. Voilà, ouais. On l'a fait, donc j'ai pas oublié le nom. We Love TFTC. Oui, voilà. Pas We Are, bien sûr. Voilà. On l'a fait ensemble. On est les parrains, on a fait le premier épisode. Impossible qu'on ait oublié le nom du podcast. Et d'ailleurs, on est les parrains d'un épisode qui était sur quoi? Jurassic Park, je te le donne en mille, voilà. Tout se recoupe et également la colline, j'en profite, hein, le podcast La Vignette avec notre ami Aslak, très bon podcast sur très la BD, bon là déjà un placement de trucs culturels gratos. Hein. Gratos. Et parce qu'il m'a dit qu'il avait rappelé aux gens, ah mais il y a ça qu'on n'a jamais posté et tout, donc ça a dû jouer aussi. Ça a dû jouer. Mais on remercie Combini quand même, qui est toujours très sympa avec nous, moi il m'avait fait faire le le truc de la librairie pour la sortie de ma BD et tout. Donc c'était cool, on n'avait pas eu beaucoup de promos et on avait quand même eu Combini, donc c'était super cool. Donc voilà, merci beaucoup Combinos. Les combinards, comme on les appelle. Vous êtes carrément mieux que Brut, voilà. Voilà. Voilà, non mais on le dit gentiment, voilà, c'est copain-copain. Voilà. Brutix, non. Bon. Ça ressemble quand même beaucoup à Netflix. donc, revenir à mon sujet de base, Speakpipe. Moi, j'en ai entendu parler avec le podcast de Sarah Silverman. Bien en gros, tout le concept, c'est des gens lui envoient des questions et elle part dessus pendant 20-25 minutes. Donc, j'ai trouvé que c'était un système vachement cool parce que on avait fait il y a quelques saisons appeler des auditeurs et effectivement, parfois il y a ce truc un peu compliqué de les gens sont pas forcément à l'aise, nous non plus d'ailleurs en vrai. Donc des fois il y a des petits moments de latence et des trucs. Le répondeur c'est pas mal parce que comme ça les gens laissent le message qu'ils veulent comme ils le sentent et nous on va dessus. On a fait une présélection et Adrien et moi, sachant que je ne sais pas ce qu'a pris Adrien et que Adrien ne sait pas ce que moi j'ai choisi. Voilà. Donc on va s'écouter quelques messages en espérant que ça nous lance d'excellents sujets. Je commence par le premier au hasard qui j'espère respire la bonne humeur. Salut les gars, juste pour vous dire que une fois j'ai servi dans ma boutique Voldemort, enfin l'acteur, c'était à Paris, il était pas très sympa, voilà. Et aussi une autre fois, j'ai servi des terroristes à Montrouge, la veille de l'hypercachère. Ils avaient acheté des châtaignes grillées, cuites. Ça me traumatise, c'était le mec et sa femme qui est maintenant disparu, je crois. Voilà, bisous. Ah, c'est franchement un bon concept qu'on a lancé, Adrien. T'as choisi le truc le plus feel good qui était pour possible. Commencer, pour entrer dans le dur. Bah écoute, merci horrible. Beaucoup pour cette histoire. Ça me traumatise. Sort vraiment du cœur, clairement. Écoute, on t'embrasse très fort, Benoît. Une très belle histoire que tu nous comptes. Et alors, le côté terroriste, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est atroce et que je. Moi alors, à titre perso. Tu vois, tu es contre, toi. Totalement contre tout ce qui est terroriste. Moi, je suis totalement Tom. Ah, donc, ah je suis bon un peu, ouais. Ah, oui, bon, ça va alors, du coup, t'es plutôt. Non, mais. Non, mais il dit que c'est Ralph Fiennes qui joue Voldemort. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ça commence qu'une petite anecdote, il t'entraîne avec une petite anecdote un peu lambda. Il te prend par la main. Il dit ah bah justement je suis Potterhead, ça m'intéresse. Ouais. Attends, t'es quelle école? Parce que moi, l'attentat. C'était ça ce que je voulais dire. Il faut rappeler que les célébrités sont des êtres humains et qu'ils ont des jours et ils sont de moins bonne humeur. On ne sait pas ce que traversaient les terroristes. Juste normal et du coup comme on attend plus de lui, on pense qu'il est désagréable. C'est vrai. Peut-être que. Il lui manquait un Horcrux. Ah, elle est bien celle-là, je crois. Il venait chercher un Horcrux dans la boutique. Comme le passe-temps du. Non, j'en ai aucun. J'ai aucune. Bah, finalement, Harry, c'est un Horcrux, mine de rien. Il y a trois Horcrux. Il y en a plus que ça, c'est. Il y a 17. Non, ouais, non, ça, c'est les boules de cristal. C'est les jours de la semaine, je crois. Les gens confondent. Attends, les Horcrux, il y a lundi, mercredi. C'est ça, les Horcrux. Ouais, okay. Ça. Bon, nouveau message. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, j'ai 20 ans, je suis dans mes études et je suis dans la période un peu où tu cherches ce que tu veux faire plus tard. Et je voulais savoir, vous, quand vous aviez mon âge, justement, qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce que vous vouliez faire? Où vous avez trouvé cette motivation? Est-ce que c'était par passion ou juste par nécessité? Moi, je voulais juste savoir ça. Merci beaucoup. C'est marrant parce que passion et nécessité sont assez liés, moi, de mon côté. Mais je te laisse. Ouais. Non, mais laisse. En fait, ce que je trouve, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce truc, c'est que je pense que nous, on est un peu deux exemples assez différents. Ouais. Parce que toi, je pense que tu savais ce que tu voulais faire assez tôt. Ouais. Que tu voulais faire ça. En fait, je savais surtout que je savais pas ce que je voulais faire d'autre, en fait. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une passion qui, et c'est la même d'ailleurs toujours aujourd'hui, assez dévorante. Qui fait que j'ai pas eu la question de. Je me suis pas posé. Je me suis pas dit, c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, ok, si je fais pas ça, je sais pas du tout, vraiment pas du tout quoi faire. Donc voilà. Mais d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, ça, on ressent un peu, d'ailleurs, cette peur un peu dans le. Je trouve. Enfin, je sais que des fois, tu dis. Bon, peut-être on coupera si. Non, mais où tu dis. J'accepte beaucoup de taf parce qu'il y a un peu une peur de plus bosser. Exactement. Enfin, tu disais que. Mais je... Oui, parce que je ne savais pas quoi faire. Du coup, c'est malsain en fait. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ouais, bah, on arrête l'épisode en fait. Du coup. Ouais. Non, mais c'est. Oui, c'est lié à ça. C'est que je serais vraiment. Et d'ailleurs, les jours où je. Et ça arrive, des jours où je bosse pas. pour ça que je vais soit au ciné, soit je mate des films. Enfin, j'ai l'impression d'avoir besoin de ce truc parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui, enfin, c'est vraiment ce qui me remplit. C'est de la psychologie aussi, moi, je trouve, d'aller voir des films et de créer de la fiction. Ça alimente le cerveau. Et donc ouais, non, je saurais pas du tout quoi faire d'autre. Donc c'est exactement ce que je me suis dit. Mais comme je l'avais dit dans un autre podcast, moi j'aurais fait si j'avais fait du montage sur des films de mariage, c'était ça mon but à la base. Moi, je m'étais dit, je vais monter une boîte où je fais des films de mariage et des baptêmes et des trucs comme ça. Et avec la thune qu'on gagnera, je ferai des petits courts-métrages avec les copains qu'on mettra sur Internet. Je crois sincèrement, et c'est pas de la fausse maintenant que j'en suis là, mais je crois sincèrement que ça m'aurait suffi, vraiment. Ouais, je pense. Mais après j'aurais été moins riche, donc ça c'est dommage quand même. Ouais, là on est quand même dans un jacuzzi. On est à ce moment, au moment où on parle là. Et il y a un mixeur qui enlève chaque bruit de bulle une à une, donc c'est te dire à quel point on est blindé. Lion bulle ouais, encore. Là, voilà. Vous l'entendez pas, non, mais c'est effacé. Non mais moi justement je trouve que toi t'as eu la chance d'avoir cette passion là très tôt et du coup ça t'a un peu fixé un objectif, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis du temps avant enfin, des gens qui font notre métier, je veux dire, qui ont mis du temps et qui sont passés par d'autres chemins et qui surtout ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire à 20 ans, quoi. Et c'est pas grave, en fait. Et je pense qu'en plus, tout ce que tu peux faire, si t'as justement, j'imagine que lui il a envie d'écrire ou de créer comme ça. Je pense que si t'as cet état d'esprit là, cette tournure de cerveau, tout ce que tu vas faire, ça va te servir en fait. C'est-à-dire aussi bien en termes d'expérience parce que ça va te nourrir d'émotions et de trucs que tu vas vivre que tu vas pouvoir réutiliser plus tard dans ton taf, et même de façon ultra pratique. Mais je crois que je l'ai déjà dit, mais moi je pense que tu ne peux pas perdre ton temps si tu as le bon état d'esprit. C'est-à-dire que même si tu es cuisinier, tu vas apprendre des trucs que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres domaines, que ce soit de la rigueur, que ce soit une façon de s'organiser, que ce soit une façon de progresser pour arriver d'un point zéro à l'arrivée dans un projet, etc. Et en fait, si tu es vraiment à l'écoute et tu arrives un peu à... Ah non, mais de rendre un peu abstrait. Adrien dans un grand 8. Hein. Non, oui, bah, à la thune, hein, toujours. À la thune. On est à Flubland. C'est un jacuzzi. Sur un grand 8. Donc c'est un peu froid, si je peux me permettre. Une erreur d'architecture. Non, mais en gros, tu peux rendre un peu abstrait certains concepts et tu peux ensuite les appliquer partout. Donc faut pas nécessairement stresser sur le fait. Que tu ne sais pas ce que tu veux faire à 20 ans, fais ce que tu as envie de faire maintenant, et ce sera peut-être pas ce que tu feras dans 10 ans, mais tu ne perdras pas ton temps, quoi. De toute façon, y a plein de gens toi tu as su très tôt ce que tu voulais faire. Moi je l'ai su assez tard, et au final on est ensemble on bosse sur les mêmes projets et tu gagnes mieux ta vie et tu bosses beaucoup plus que moi, mais c'est peut-être pas non mais Jonathan Cohen il a vendu des vitres, des fenêtres avant d'être acteur. Ah, c'est clair. Et maintenant c'est une resta et voilà, il a pas commencé spécialement tôt spécialement tôt, c'est pas une émission sur c'est le frère de Gabardine. Totalement Tom aussi, c'est le frère de Totalement Tom, spécialement tôt. Spécialement tôt. alors moi, c'est pas moi qui appliquerais ce truc-là parce que je l'ai pas vécu, mais mon frère, par exemple, alors il c'était un peu plus jeune, c'est quand il était adolescent, mais ça a continué après. Il a testé beaucoup de choses et mine de rien, c'est ce qui l'a amené à aujourd'hui son métier et sa passion. C'est-à-dire que quand il était adolescent, alors là, je parle un peu plus tôt que toi, mais ça marche à n'importe quel âge. Il a testé le judo, il a testé le dessin, il a testé vraiment un milliard de trucs de passion extrascolaire. Et un jour, la guitare, mais même pas la guitare, le bon prof de guitare, il a rencontré un gars que je sais a compté beaucoup dans sa vie, qui était fascinant, qui était un mec en Bourgogne, qui était dans une bagnole dégueulasse, mal rangée et tout, et qui était un passionné de guitare et qui lui a appris la guitare. Et je veux pas parler à sa place, mais de ce que je sais de mon frère, c'est que c'est limite autant le gars qui lui a pris la guitare que la guitare qui a eu de l'impact. Donc en plus, ça peut arriver par des rencontres totalement, une passion, pas du tout forcément par qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon corps me raconte. Donc voilà, et tester des choses, c'est quelque chose en tout cas sur mon frère qui a plutôt fonctionné. Ouais, totalement. Totalement top, on y revient. Totalement flob. Non mais ouais, explorer quoi. Juste, ouais. Tu peux te laisser guider. T'as pas forcément besoin d'être la personne la plus entreprenante, ce qui est mon cas. Je manque totalement d'esprit d'entreprise et d'initiative. Mais j'ai au moins la qualité de me laisser guider par les trucs qui me plaisent. Tu vois, j'hésite pas à explorer quand il y a un truc qui me plaît. Et je pense que ça aussi, ça peut te guider vers finalement finir par trouver un truc qui te plaît vraiment et qui peut être ton taf. Et même, tu vois, aujourd'hui, moi, mon taf, c'est plusieurs trucs en vrai. Parce que, on peut dire que d'une certaine manière, streamer, c'est aussi un de mes tafs. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est pas du tout le même taf que auteur. Enfin, c'est pas du tout le même taf que auteur. On peut trouver des similitudes, mais c'est un autre métier. Mais ça utilise les mêmes compétences, entre autres. Mm. Puis je fais du dessin, et puis je fais plein de trucs qui me. Des trucs qui. Quand j'ai testé, je me suis jamais dit, ça va être mon taf plus tard, mais il se trouve que, aujourd'hui. À 40 ans, c'est devenu un de mes tafs, quoi. Donc, ne pas hésiter à se laisser guider par ce qu'on aime bien. Et même si ça sert à rien d'autre que se faire plaisir, c'est déjà énorme, en fait, de se faire plaisir dans la vie. Donc, voilà. Sublime. Nouveau message. Coucou. Bon, en fait, je voulais présenter mes excuses à mes camarades de maternelle qui s'étaient fait punir de récréation à cause de moi, parce que en fait, sans faire exprès, j'avais cassé une plaque de liège, et vu que je voulais pas me faire fâcher, et j'avais dit que c'était lui, et la maîtresse m'a cru. Du coup, vraiment, Mathéo, je suis désolée, je m'excuse 12 ans après, ça n'a aucun sens. Allez, bisous. Alors, j'ai choisi ce message parce que je veux qu'on retrouve ce gars, Mathéo. Voilà, si jamais cette anecdote vous dit quelque chose. Si vous êtes Mathéo, si tu es Mathéo, c'est encore mieux. Mais on retrouve ce gars. Ouais. Et elle pourra lui. On s'arrange pour qu'elle puisse lui présenter ses excuses, quoi. Peut-être c'est Mathéo Guendouzi de l'OM. Je connais énormément le foot. Hein. C'est peut-être lui. Ouais, c'est peut-être lui. Non, mais. Elle a pété quoi? Plaque de liège? Ouais. Quelle est cette école? C'est les trucs sur lesquels ils punaisent, je pense. Des enfants de maternelle qui punaisent? Allez, arrête. Ah non, les profs. Ils punaisent les dessins des enfants sur un truc en liège. Ah oui, c'est possible. Mais du coup, les enfants ont quand même accès au truc en liège et peuvent le casser. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'on retrouve Mathéo, que cette auditrice puisse lui présenter ses excuses comme il se doit. C'est plus plat des excuses. Qu'on enterre la hache de guerre, voilà. Si on va pas résoudre des conflits très très d'ampleur. Hein. En fin d'émission, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est nous qui gérons. Je l'ai lu. Vulgarisé. Mais commençons déjà par la plaque de liège. D'accord, okay, d'accord, très bien. On commence par ça. Nouveau message. Oui, bonjour, bonsoir. Déjà, merci pour les floodcasts qui sont des moments très agréables que j'écoute régulièrement en voiture. Est-ce que vous n'avez pas envie de profiter, entre guillemets, de personnes que vous avez autour de vous, typiquement McFly, Carlito, Squeezie ou quoi que ce soit, des personnes avec beaucoup d'influence, pour justement faire ce qu'on appelle vulgairement du grattage de buzz? Est-ce que ça vous vient en tête, ou est-ce que vous dites que c'est quelque chose de pas faire parce que c'est immoral, ou c'est un truc qui se demande pas? Je sais qu'il y a des gens qui se permettent de le faire, donc voilà, je voulais savoir quel était votre point de vue vis-à-vis de ça, quoi. Non, en fait, moi, je trouve pas que ce soit immoral ou répréhensible. Et c'est pas parce que c'était le fonctionnement de Webedia que forcément c'est mauvais. Ouais. Mais non, mais en vrai, c'était beaucoup basé sur ça. On sait que Webedia, c'était dire si vous êtes chez nous, vous allez tourner dans la vidéo des autres, machin, etc. Qu'il y avait une espèce de. Ça s'auto-alimentait, effectivement. Voilà. Et y a rien d'immoral. Ça a lancé des chouettes carrières. Donc. Et puis, ça fait des feats qui marchent et qui sont agréables à regarder. Donc, il n'y a pas de. C'est juste que nous, on n'est pas. Ça n'a jamais été notre fonctionnement et je pense pas que. De toute façon, en fait, le truc, c'est que. Ça se sentirait si on faisait ça. Je pense que ça changerait le ton du truc. On a toujours invité des gens qu'on avait envie de. Genre, avec qui on avait des affinités et qui soient connus ou pas. C'est étonnamment plus le public en fait qui réclame des gens connus. Ouais, mais ce qui est normal parce que par définition ils sont connus donc les connaissent. Mais et puis aussi par définition ils sont connus donc ils ne viennent pas dans le floodcast. Ils n'en ont rien à foutre. Non, mais c'est vrai que je crois pas qu'il y a de la hiérarchie. Après, c'est vraiment à l'envie. Moi, je sais que par exemple, Mister MV, j'ai mis du temps. On a mis du temps à l'avoir, mais ça faisait longtemps que je le voulais et que les auditeurs aussi, parce qu'il est connu sur Twitch et tout. Mais je tenais à ce qu'il vienne dans un endroit où il sera à l'aise. Donc, c'était cool qu'il y ait Antoine Daniel et Angle Droit et des gens avec qui il stream régulièrement. Et c'est plus, c'est beaucoup plus ça qui m'importe. Et Adrien aussi, j'imagine. Oui, c'est le fait que les gens soient à l'aise. Que la popularité, en fait, la chance qu'on et a. Et que nous on soit à l'aise aussi. Et que nous on soit à l'aise, c'est complètement, complètement. Parce qu'une Rosta, on serait content de l'avoir, mais on serait peut-être pas forcément à l'aise pour faire des blagues, et du coup ça ferait une moins bonne émission. Mais j'ai même un exemple concret, c'est-à-dire que l'épisode qu'on avait fait avec les Romains des Bois. J'osais pas le dire parce que je me disais. Est-ce non, que mais tu bien vas... sûr, bah, parce que. Parce que moi je n'avais pas de micro, donc c'est déjà, pas vraiment mon épisode. Déjà, on ne m'entend pas. Déjà, ça a dû un tout petit peu jouer. Non, mais moi c'est un épisode que j'aime énormément. Je pense que c'est aussi parce que c'est un de ceux qui a le moins marché. Donc j'ai un peu un truc de parent de oh, les gens l'aiment un peu moins, du coup je l'aime beaucoup plus. Mais c'est un épisode que je trouve ultra fascinant pour les gens qui s'intéressent au Romain des Bois. Et on a quand même appris des trucs qui sont dans aucune interview. D'ailleurs, j'en profite maintenant que le podcast est un peu plus connu qu'à l'époque. N'hésitez pas à le réécouter cet épisode, parce que je trouve vraiment, si vous aimez bien les Romain des Bois et que cette époque vous intéresse, ça regorge d'anecdotes, quoi. Mais c'est vrai que c'est un épisode où nous, enfin moi en tout cas, j'étais beaucoup plus impressionné parce que voilà, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Adrien n'avait littéralement pas de micro. donc, et pourtant, je les ai beaucoup regardés aussi à l'époque. Non, mais c'est ça. Donc il y avait quelque chose où on était forcément un petit peu moins à l'aise. Et évidemment, moi je préfère faire une émission avec des gens avec qui je suis évidemment très à l'aise. Et d'ailleurs, le mélange des deux est souvent la recette qui est cool dans le Floodcast. Ouais. Typiquement, dans le dernier, il y avait Jérôme qu'on connaît parfaitement, Morgan qu'on connaît un petit peu maintenant, mais qu'on connaissait pas tant que ça au final, qui avait fait un Floodcast. Moi je l'avais recroisé derrière, et Benjamin Tranier avec qui on avait parlé sur Insta, mais qu'on avait ni Adrien ni moi jamais rencontré de notre vie. Et l'épisode, je le trouve super cool. Il y a un espèce de mélange chouette. Mais c'est rigolo, maintenant, ça fait 6 ans. Hein, Jean-Luc, mélange chouette, hein, on est d'accord. Bah, je veux que ce soit le titre, mais ça dit pas grand-chose sur ce qu'on fait, quoi. Mais ça sera si, parce que c'est un peu un mélange chouette d'anecdotes. C'est Jean-Luc, mélange chouette, les titres de l'épisode. C'est bon. À défaut d'avoir autre chose avec du sperme d'ici là, bien sûr. Non, mais c'est bien aussi. Surprenons les gens avec le sperme. Bah, avec vois, des petits jeux de mots. Des jeux de mots sur des noms connus, je sens que c'est quelque chose qui peut leur plaire. Ouais, après, c'est vrai que je sais que nous aussi, les épisodes qu'on fait avec que des gens qu'on connaît bien, c'est aussi ceux où on rigole beaucoup, quoi. C'est vrai que quand on se connaît tous, vraiment, il y a une facilité à dire n'importe quoi, à faire de la merde, qui est aussi intéressante. Mais c'est pour ça que j'aime bien les deux. C'est-à-dire que, parce que même pour le public, je pense qu'un épisode avec des gens qu'on connaît moins, où du coup, on est un tout petit peu plus structuré, où on accompagne un petit peu plus les invités, et ça fait qu'on accompagne beaucoup plus les auditeurs. Et je pense que c'est cool pour les nouveaux arrivants ou les trucs comme ça. Alors que quand c'est un épisode, bah, typiquement celui avec Antoine Piombino, Teddy Ferrand et Justine Lepotier, on a beaucoup rigolé. Il y a plein de gens, les fans de Floodcast étaient aux anges. C'est pas l'épisode que je donnerais aux gens pour découvrir l'épisode, parce qu'il y a beaucoup de private joke, on hurle, c'est très vulgo, c'est tout. Mais moi j'adore, enfin moi c'est des épisodes où je pleure de rire. Mais effectivement, si on faisait que ça, je pense qu'on serait un peu dans un truc private qu'on a déjà un petit peu, mais qu'on assume complètement. Et c'est cool d'amener des fois un peu d'autres gens, ce qui nous permet un peu d'ouvrir un peu plus. Ou même là, ce qu'on fait actuellement avec Adrien, un épisode que tous les deux, où on parle un peu plus directement aux auditeurs. Mais donc non, là c'est vrai que dans les prochains invités qu'on aimerait avoir, il y a des gens qui sont super connus En fait, c'est moins que de la célébrité. Moi, ce que j'aime là en ce moment, c'est que je trouve qu'il y a un peu de tout. C'est marrant, au début, quand on a commencé avec Adrien, on était un peu étiqueté podcast de youtubeur, parce qu'en fait, on connaissait beaucoup de gens d'internet. Et je suis beaucoup plus. Enfin, il n'y a pas à être plus fier ou moins fier, mais plus que de la célébrité, je suis très fier que là, par exemple, cette saison, il y a des humoristes, des chanteurs, des producteurs de musique, des stand-uppers, des gens qui font de la chronique, aussi des gens d'internet, des comédiens, des réalisateurs. Voilà, je préfère une bonne saison de Floodcast. Pour moi, c'est celle qu'on est en train de faire et celle de l'année d'avant, où on avait autant, tous les métiers que je viens de dire, quoi. Je serais ravi que notre podcast avec Adrien soit un peu un truc, un marquage dans le temps d'une espèce de génération créative, entre grosses guillemets, de gens entre 20 et 40 ans. Et pas plus de 40 ans quand pas même. Pas plus, sinon ouais, c'est la honte. Imagine, le gars il a plus de 40 ans quoi. Ouais, genre. Mais dès 41, moi je trouverais ça. Ah ouais, non, vraiment. Dès que l'unité c'est pas zéro. Ça dégage. La dizaine et quatre, c'est. Mais comment osez-vous sortir en fait dans la rue ? Qui vous invite ? Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est ma petite. C'est ma. Je sais pas si je la partage avec Adrien, mais en tout cas, c'est ma petite fierté de cette émission. En plus, ce qui est rigolo. J'ai aucune fierté, moi. De... Ah, ok, bon, toi. Enfin, vis-à-vis de cette émission, vraiment. Non, mais ce qui est cool en plus, c'est qu'avec Adrien, on est un peu casanier, on n'est pas les gens qui faisons le plus la teuf. Donc, c'est notre super excuse pour rencontrer plein de gens. Moi, j'aurais jamais rencontré. Ben Mazué ou enfin tu vois des gens comme ça en dehors que proposer une émission de radio un peu rigolote où étonnamment je parle directement de sperme de chèvre et de enfin voilà il y a un truc un peu bizarre dans la façon de rencontrer les gens que j'aime beaucoup et donc du coup voilà c'est pas j'ai un peu divagué sur la question mais on parlait du buzz des potes mais non mais c'est vrai que si on avait vraiment envie que de gens connus tout le temps en fait on pourrait presque en fait c'est pas c'est juste que c'est pas ce qui nous excite ce serait pas la même émission quoi ce serait pas la même émission du tout. Bonjour, bonjour Flaubert, bonjour Adrien, bonjour à tous les invités. Ça, il y a un petit défaut dans le champ. J'avais un. Je crois que c'est son micro malheureusement. À vous demander. C'était pour savoir en ce qui concerne quand on fait des créations artistiques et plus particulièrement quand on écrit. Est-ce que vous aviez des techniques ou des astuces pas pour trouver des idées, mais plutôt pour lorsqu'on a une idée pour un projet personnel. Essayer de garder la rigueur et la motivation de la développer jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Voilà, j'espère que c'est pas trop peu clair. Non, c'est très clair. Merci. C'est très, très clair, clair, Paul. Enfin, je t'appelle par ton prénom. Polo. vas-y, hein, je te laisse parce que je pense que. Oh ouais, non. T'es le mieux. Non, mais moi alors, je vais commencer parce que moi, c'est pas ma spécialité de garder la motive jusqu'au bout. Mais je pense que le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'impliquer d'autres personnes. De près ou de loin, ça peut, enfin voilà, de la façon qui te convient, pas forcément coécrire un truc par exemple, mais ce que je veux dire c'est être devoir rendre des comptes à quelqu'un d'autre que toi, parce que bah moi je sais que si je ne dois rendre des comptes qu'à moi-même, j'ai aucune peine à me décevoir moi-même et du coup j'ai l'habitude et du coup c'est ça qui fait que bah voilà je peux abandonner un projet parce que je me dis oui bah il y a que moi qui suis impliqué donc je vais décevoir que moi et donc ça peut être par exemple je sais pas si tu veux écrire un truc tu en fait peut-être d'essayer d'impliquer par exemple des producteurs assez rapidement bon c'est difficile hein, je dis que c'est pas là c'est un exemple quand t'es déjà peut-être un peu installé dans le métier mais pas forcément mais en tout cas d'essayer d'intéresser des gens à ton projet pour que ces gens te disent bon bah peut-être vont te mettre des deadlines ou te dire et du coup c'est aussi ça la motivation parce que bah on a même je pense t'as beau être passionné par un truc je sais pas on fonctionne pas tous de la même manière moi je sais que j'adore écrire, genre quand je bosse sur un projet et que j'écris, je me dis waouh, mais c'est la meilleure chose dans ma vie. Mais si j'ai pas de projet, je peux rester des mois sans écrire parce que je sais pas, je fonctionne comme ça et j'ai tendance à perdre la motivation, mais la retrouver très vite aussi. Et du coup, d'avoir des personnes extérieures à qui rendre des comptes, ça me permet de rester. C'est juste un moteur en fait, et, un moteur pour avoir une certaine régularité. Et en fait, cette régularité va continuer d'activer ma passion, quoi. Et puis c'est lié, je pense aussi un peu au système scolaire. Enfin, tu vois, il y avait un truc de faut rendre des choses, quoi. Donc tu vas le faire, tu vas travailler, tu dis non, mais on attend quelque chose de moi. Voilà, tu parles de producteur, mais effectivement, je pense que ça peut être aussi une bande d'amis. Genre, tu te dis samedi prochain, on a tous écrit. Un sketch, je dis n'importe quoi, ou un petit court-métrage, ou même une nouvelle. C'est, comme tu l'as dit très bien, Adrien, chacun fonctionne de sa manière. Il y a un livre qui s'appelle « Écriture », tout simplement, de Stephen King, où il raconte, que c'est vraiment des trucs d'emploi du temps, de cerveau, en fait. C'est-à-dire que lui, il se lève très tôt, il se lève à 5h, et il écrit le matin, enfin, il se balade genre jusqu'à 6h30, 7h, il écrit de 7h à midi, et après, il dit « Ok, c'est cool, j'ai fini ma journée. » Et il fait autre chose. Mais vraiment... rien ne doit avoir de lien avec l'écriture. Je sais que Jerry Seinfeld disait ça aussi. Il dit la journée d'un humoriste, il prenait un exemple beaucoup de stand-uppers new-yorkais qui disait eux ils trouvent des idées le soir quand ils causent avec d'autres stand-uppers, ils jouent le soir, ils se couchent, ils se lèvent à 17h et ils vont ils se couchent à 6h du mat et voilà. Il disait bon parce que c'est Jerry Seinfeld et qu'il est très comme ça. Il disait moi je me lève à 8h. C'est écriture jusqu'à 14h, ensuite sieste ou rien foutre, et le soir je joue ce que j'ai écrit le matin, je relis 2 heures avant pour voir si c'est encore frais, et là je joue le soir. En tout cas, ils ont tous un peu ce truc de rigueur, presque école. Moi, je sais que là où ça m'a un peu inspiré, ce truc-là, c'est que je suis... mon cerveau accepte très vite qu'une journée est remplie de peu, en fait. C'est-à-dire que si dans la journée, je dois faire un truc, ouais, qui va me prendre peut-être que 2 heures, je vais pas avoir envie de me gifler le soir. Alors que si je fais vraiment rien, là, je sais que je vais être pas bien, je vais être triste, je vais être déprimé... Je vais dire, mais en fait, je suis pas bon. En fait, ce projet, c'est de la merde. Ça me va pas pour moi. Alors que juste, j'ai pas réussi à bosser. Mais j'ai la chance d'avoir un tout petit verre de satisfaction de moi-même, pour le coup. Où je sais que si j'écris juste, disons, 2 heures dans la journée, et même si c'est pas ouf, j'ai écrit 2 heures, quoi. Donc c'est cool. Je suis OK avec ça. Mais effectivement, tous les jours, je veux écrire. Tous les jours, enfin, j'essaie d'écrire tous les jours sur des projets plus ou moins avancés. J'ai de la chance d'avoir souvent du travail, mais même quand j'en avais moins. À l'époque de Golden Moustache, pour me remettre à des années où j'avais moins de projets, où je travaillais que à Golden, j'écrivais sur les articles, des idées de pub, des idées de sketch. J'aidais d'autres gens de Golden Moustache qui faisaient des sketchs pour leur donner des idées ou pour discuter avec eux. Et puis je pense qu'il y avait aussi cette boulimie de travail vu qu'on réalisait, moi je montais, enfin bon bref. Il y avait un peu un truc de tout le temps faire des choses et effectivement ça c'était... assez chouette de se foutre soi-même dans la merde en disant bah je vais le faire et du coup ouais. Oh, ben, faut que je le fasse ouais, mais c'est vrai que... ouais, non vas-y. Mais en fait moi mon je sais plus je sais qu'il y a une année à Golden Moustache où je m'étais dit je ne refuse rien. Un peu le film Yes Man, hein, avec Jim Carrey, mais qui est un plagiat de toi je crois, de ma vie, ouais. Voilà. non mais je m'étais dit je refuse rien, voilà, j'ai besoin de bosser, de faire des trucs et machin, et donc j'avais vraiment accepté tous les trucs, donc des fois c'était dur, mais c'est vrai que du coup ça m'avait bon, au final c'était pas non plus épuisant, voilà, mais je faisais beaucoup de trucs, je devais me lever très tôt parfois, etc., mais j'avais tout accepté. Alors bon, il y a des trucs c'était de la merde, bien sûr, mais je l'ai fait, et ouais, c'est une façon de bon, après c'est quand t'es déjà lancé dans non, le métier, non, mais je veux dire, tu peux quand même te lancer des devoirs. Un peu, ouais. De trucs de encore une fois, hein, chacun fonctionne différemment, mais vu que tu poses la question on te répond, mais c'est tu peux toi-même te mettre des espèces de devoirs de non, je sais que pendant le confinement tout le monde se foutait de leur gueule, mais il y avait plein de gens qui disaient vas-y je vais écrire un livre, bah en fait je trouvais ça trop cool, quoi. Il y avait un truc, ah, genre bah ouais, tous les jours j'écris au moins 2 pages, et surtout un livre c'est très difficile. Moi j'avais essayé d'écrire à une époque une maison d'édition m'avait demandé un truc de nouvelles, en fait. Je faisais des sketchs sur Golden Moustache qui étaient quand même souvent des espèces Je me rappelle, oui, de ça. Ouais, c'était des trucs un peu des métaphores, souvent mes sketchs sur Golden. Mmh. Genre, on reste amis, qu'on a fait avec Adrien, c'était une demande en mariage, mais sur un couple qui reste amis. Enfin voilà, c'était souvent ça ce que je faisais. Et du coup, on m'avait demandé, juste parce que c'était YouTube et des bouquins, on m'a dit quelle serait ton idée. J'avais dit, ah bah moi j'aimerais bien faire. Là, tu venais de mettre une belle disquette à la BD. Cela dit, à l'époque, ouais, la BD venait de se prendre une sacrée disquette de ma part. Enfin, pas de ma part, on était quand même très nombreux à lui mettre des disquettes à l'époque. Hein. On était toute une bande. Et donc voilà, je vais faire ce bouquin, bref. Et c'est marrant parce que j'ai pas réussi à me mettre. Là, tous les conseils que je te dis depuis tout à l'heure, ça, je n'ai pas réussi à l'appliquer. Mm. C'est-à-dire que je m'étais dit, vas-y, tous les jours, j'écris 2 pages et machin. Et ça m'a complètement submergé. Peut-être parce qu'au final, l'écriture de nouvelles et de romans n'est pas ma passion. Parce que j'adore écrire des dialogues, j'adore écrire des situations, mais en fait. Écrire, je lis pas de roman par exemple, c'est con, hein, mais donc du coup fatalement je pense qu'en écrire c'est difficile, mais voilà, c'est pour dire aussi que des fois ça marche absolument pas de se mettre une rigueur, parce qu'il faut vraiment avoir le bon moteur à la base quoi qu'il arrive, quoi. Non mais là où ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur bon, alors, je sais pas si ça va rester au montage, mais où tu te dis des fois à 20 ans tu sais pas ce que tu veux faire et puis de fil en aiguille tu vas finir par trouver, il y a aussi des fois t'as envie de te lancer dans un projet, t'arrives pas à trouver la motivation, t'y arrives pas, tu te dis merde, j'ai pas fait ce truc là, et peut-être que 5 ans 10 ans plus tard tu vas repenser à ce projet, tu fais ah en fait ce truc, et là ce sera le bon moment pour faire ce truc là, et tu vas le faire aussi, donc mais moi je crois il faut pas, ce que je veux dire c'est qu'il faut pas non plus se dire putain je suis une merde, je suis pas allé au bout de ce projet parce que peut-être que c'était pas le bon moment, et peut-être que on sait pas comment marche le cerveau, mais peut-être que ton cerveau t'a dit attends mec là c'est trop le bordel, ça marchera pas, et peut-être, mais ça peut être une semaine après aussi, enfin on sait, ton cerveau il avait peut-être besoin de réfléchir plus longtemps à ce projet là avant de te lancer. Donc faut pas non plus se flageller parce qu'on n'a pas réussi à aller au bout d'un projet à un moment donné de sa vie, parce que bah ton projet c'est toujours ton projet, il existe toujours et tu peux toujours le faire plus tard. Faut pas, mais moi cela dit c'est ce que je fais tout le temps. De quoi? Quand de flageller. De me flageller, ah non, quand bah, je vais pas au bout aussi. Des ah trucs. Non mais alors je n'applique aucun des conseils que je donne. Hein, non non mais j'essaye d'appliquer. Oui bien sûr, au mieux. Voilà. Mais d'ailleurs je voulais recommander un bouquin. qui un bouquin. non, une fois n'est pas coutume. Non, qui s'appelle Daily Rituals, rituel journalier quotidien. How artists work. Comment travaillent les artistes. Et en fait, c'est juste un recueil de rituels d'artistes connus. Et ah, genre, ils disent ce qu'ils font. Je l'ai peut-être déjà recommandé dans. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais non, mais je l'ai peut-être déjà raconté. Mais je vais plus le dire. Ça fait 6 ans. Et ben, je vais plus le dire. Si vous m'entendez pas, dire ça. Ne dites pas, c'est pas ça. ouais, c'est un... Alors, peut-être qu'il existe en. Il a été traduit en français, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Ça, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment, je crois, une page ou deux par artiste. Donc, oh, tu peux vraiment prendre n'importe une page au hasard, le lire une fois de temps en temps. Je me souviens d'un truc où il y avait un ou une artiste. Son rituel, c'était il se lève, il allume une clope, il mange la même chose chaque jour. C'est un grand bol de fromage blanc avec de la confiture de fraises. C'est son unique repas. Et après, il écrit en fumant des clopes. Et puis, tu te dis... Bon bah ça marche pour lui apparemment, c'est l'enfer. Ouais. Enfin moi je dégueule juste à la lecture de son rituel, mais ça marche pour lui ou pour elle. Et il y en a qui sont hyper rigoureux et tout. Et en fait c'est assez. Ça te dit d'une part tout le monde est différent et d'autre part oui mais tout le monde a un rituel qui lui est propre et je pense que c'est important aussi peut-être d'avoir ça. C'est marrant, moi je me disais pas que c'était un rituel, mais là quand on en parle j'ai l'impression que c'en est un peu un. C'est limite mes repos, c'est-à-dire quand je travaille pas. Je suis vraiment une loque, mais c'est honteux. C'est-à-dire que je suis... Bah, je... quand je suis arrivé, par exemple. Non, mais genre, je suis vraiment en short, t-shirt, je joue à GTA, je mate des trucs pendant des heures et des heures. Je me lève à 15h, je me couche à 7h du mat. Enfin, c'est vraiment des périodes atroces, mais qui me permettent de re-kiffer quand il y a du travail et me relever tôt et repartir sur des beaux projets. Mais du coup... J'ai besoin de ces moments de lock extrême qui en fait c'est vraiment comme une barre d'énergie dans un jeu vidéo quoi. C'est genre là je suis au plus bas parce que j'ai taffé et là je vais vraiment me j'ai l'impression que plus je suis une lock plus je vais vite avoir envie de bosser, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que si je dis allez, je me calme un petit peu mais quand même je me lève le matin, machin, ça va durer, je vais avoir besoin de plus de temps. Ouais, pour me reposer, alors que là il y a vraiment un truc genre voilà, vraiment c'est je suis une honte au système français. Oui, non mais donc voilà, et donc du coup au bout d'une semaine j'ai re-envie de et c'est pour ça que quand je pars en vacances, c'est un peu une phrase de trou de balle macroniste, mais je reste pas longtemps en vacances parce que souvent je suis une loque en vacances et j'ai revite envie de travailler parce que en plus j'ai l'impression que si je suis une loque trop longtemps là pour le coup mon envie de travailler disparaît totalement. Elle finit dans les limbes. Si je faisais ça toute ma vie finalement. En fait c'est génial. Une question de Théo. Oui, bonjour. C'est une question pour Adrien Méniel et Florent Bernard. Est-ce que vous n'avez pas envie de retourner faire des vidéos plus librement sur YouTube ou autre ? Non, mais en vrai, mais je pense qu'on aura la même réponse. Mais oui. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de sketch sur Internet maintenant. Donc là, maintenant, c'est genre, soit tu fais tes sketchs avec ton téléphone et avec tes potes... soit tu fais rien parce qu'il y a plus vraiment de fiction sur YouTube et tout, donc la fiction comme nous on l'aime en tout cas de situation de... non mais parce que je veux dire tu non, vois ce que font Pastor tous les selfies sur Instagram où c'est des personnages, c'est de la fiction, mais c'est vrai que c'est pas la fiction comme nous on la voit quoi. Attends, les selfies de quoi? Non mais je veux dire ce que fait Laura Felpin, Lison Daniel. Oui, non mais d'accord, mais là, moi, je parle de sketch. Oui, voilà, non mais je non, parce que des stories, enfin des vidéos comme ça, on en fait. Ouais. Mais puis Pastor, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire il filme avec ses potes et c'est trop cool hein, d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai un peu envie. Mais d'ailleurs, alors c'est marrant, j'en parle parce que j'en discutais hier en ce moment sur Twitch. J'écris une histoire je coécris une histoire avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est en cadavre exquis, c'est-à-dire que je commence à écrire, puis je laisse la main à l'intelligence artificielle qui, avec plus ou moins de réussite, écrit la suite, puis je reprends la main et ainsi de suite, et c'est assez marrant. Et il y a un copain du web qui m'a donné une idée et qui m'a donné un peu envie, donc peut-être que je le ferai. Il m'a dit, mais tu veux pas essayer de genre, t'écris le début d'un sketch, le tout début, et après tu laisses l'intelligence artificielle écrire la suite et après tu le tournes. Et j'ai trouvé que l'idée était assez cool et je lui avais dit c'est une bonne idée mais il faudrait que je puisse le tourner tout seul quoi. Ouais. Et du coup peut-être que je ferai ça avec mon téléphone. Mais forcément t'as... Je me souviens d'ailleurs de Chabat, j'avais vu une interview d'Alain Chabat quand il venait de c'était pour la promo de Mission Cléopâtre, donc ça date. Et Et je me souviens, le journaliste lui avait dit alors, votre prochain projet, ça va être quoi et tout, parce qu'évidemment, tout le monde s'attendait à ce qu'il. Voilà, c'était un projet d'une envergure de ouf. Et il avait dit oh, bah, je sais pas, franchement, ça va peut-être être un film avec mes potes en vacances. Et bon, évidemment, il y a le côté. Il entretenait le côté je suis cool, je m'en bats les couilles. Mais je pense qu'il y a un peu de vérité aussi là-dedans où tu te dis j'ai fait Astérix, là, le prochain truc, c'est genre je prends un caméscope et je filme mon pote qui saute à l'envers dans la piscine et je le mets à l'envers. Enfin, tu vois, des conneries comme ça. Quoi. C'est un truc beaucoup plus produit que ça, mais en vrai, qu'il ait fait après Astérix, c'est quand même un projet un peu plus fou et avec des potes, mine de rien. Mine de rien, c'est très produit. Oui, là, mais... là, il disait vraiment un truc au caméscope mes potes en vacances. Hein. Ouais, il disait vraiment peut-être un film au caméscope. Mais moi, je crois un peu au retour de ça. Alors, pas dans du sketch, parce que effectivement, le sketch, c'est un peu compliqué. Même nous, moi, je sais que dès qu'on propose des trucs avec des sketchs, je suis chaud. C'est-à-dire que le show de Manu Payet de Noël qu'on a fait avec Adrien, au final, ça a pas vraiment été un sketch show. Mais à la toute base, quand on est venu nous chercher. Outre moi mon amour inconditionnel pour Manu Payet et ce depuis très longtemps, il y avait ce kiff en fait, ce truc qui est vraiment une arlésienne dans le monde des humoristes quand même, faut le dire, du sketch show, c'est quelque chose, et internationalement, si tu regardes tous les acteurs ricains, tous les machins, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place parce que c'est beaucoup de décors, beaucoup de trucs, et en France, tu enlèves les nuls et les inconnus, il y a très peu de succès et on parle là quand même de trucs qui ont maintenant 30 ans quoi, donc c'est énorme quand même, c'est très rare les trucs qui fonctionnent en sketch show, mais moi c'est marrant, tu disais que c'était peut-être pareil, en vrai moi le sketch sur internet en solo ne m'intéresse plus trop maintenant. J'ai un peu une folie des grandeurs de j'aime bien prendre, enfin j'ai goûté à prendre mon temps pour raconter des histoires dans ma bouche, il y a rien, absolument rien de déshonorant, au contraire. Le sketch est quelque chose. Enfin, moi, j'aimerais que des films ressemblent à des sketchs d'une heure et demie, des fois, tu vois. Parce que je sais que des fois, il y a des critiques ciné qui disent ça en. Il y en a plein, en fait, les films qu'on adore, c'est beaucoup ça, quoi. C'est tous les Will Ferrell et les trucs comme ça, c'est quand même. L'histoire, elle tient sur un post-it, quoi, souvent. Bien sûr. Et en vrai, bah, c'est trop marrant. Parce que le rythme est excellent et c'est du rythme sketch sur un film et c'est très malin, très intelligemment dosé. C'est juste que j'ai déjà lu cette critique. On dirait oh, c'est un peu un sketch d'une heure et demie. Oui. Bah, si c'était ça, ce serait génial. Donc, Mister série. Pourquoi je dis ça ? Oui, voilà. Donc, moi, le sketch sur YouTube, je pense qu'aujourd'hui, même si on me le proposait, je serais un peu frustré parce que même je me rends compte que les derniers sketchs que j'ai fait sur YouTube, c'est un peu des courts-métrages de 7-10 minutes. Oui. C'est vrai que ça me donne moins envie. Après, des trucs. Sketchisant entre guillemets dans le thème, enfin tu vois, Eglandine qu'on avait fait avec Natou, c'était quand même du rythme et je rêve encore de faire un sketch show moi vraiment d'une heure de Palmas, hein, de Palmas, pourquoi j'en rêve encore, c'est toi, oui, tu es de Palmas, je suis, okay. Bah, à ton avis là, je suis sur l'autoroute, non mais je te pose la question, en ville. Je pense pas. Ou disons sur la route, petite nationale. Ah bah sur la route, bah surtout vraiment de minuit à minuit. Hein. Bah c'est... À 23h59. Non, ah oui, ah non, voilà, non, oui, non, non, la journée seulement. Plutôt seulement la journée. Oui, pardon. Et pas n'importe quelle journée. Seulement si elle est. Bah, elle a les faveurs de notre Seigneur Jésus, j'imagine. Uniquement celle-ci. Ok, bien d'accord. Uniquement celle-ci. Donc, mais c'est vrai que quand. Putain, d'ailleurs, j'ai vu qu'il faisait la saison 2. Quand j'ai vu le sketch show de Netflix, là, I Think You Should Leave. Ah, il y a une saison 2. Il y a une saison 2. Oh, j'ai vu Andy Samberg qui disait qu'il y avait une saison 2. Ça, c'est incroyable. Et ça, putain, à chaque fois que je regarde ça. D'ailleurs, c'est marrant, ça rejoint un petit peu la question sur comment vous arrivez motivé. Moi, je regarde des trucs cool. Et dès que ça s'arrête, je fais oh, putain, j'aimerais trop faire ça. Pas dans le genre plagier, mais de dire oh, j'ai envie de faire un truc aussi con. Ou inversement, un truc aussi triste. Vrai. Oh, ou inversement, un truc qui parle de ça. Mais avec mon point de vue, enfin voilà, je sais que consommer des trucs, ça, c'est ce qui m'excite souvent, ce qui me donne envie de créer. Et Netflix, si vous nous écoutez, on veut faire un sketch show. Un voilà. Sketch show, putain, quel kiff, quel kiff. Franchement, on est marrant. On en a fait pas mal. Hein. Regardez la vidéo Jurassic Podcast. Park qu'on lit. De dire attends, ils sont trop marrants ces mecs. C'est des cracks, moi je crois qu'on des pourrait craquitos. Dire. Des craquitos. Bon, craquitos sûr. moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et c'est marrant. Je vois cette question et j'ai fait une story récemment sur Insta où j'ai retrouvé tous les textes. Alors, on avait d'ailleurs lu quelques-uns dans un vieux podcast où on prenait aussi des appels d'ailleurs. Ouais. Et on avait écrit intégralement un sketch show en fait pour W9 qui c'est a vrai, été ouais, au final putain. Mis au chiottes. En fait, ça devait être un sketch show avec toute la team. Et au final, je sais que c'est W9 qui s'était déchauffé et qui avait voulu faire une. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais ? Que ce soit W9. Peut-être Golden. Hein, je pense que c'était. Et au final, ils étaient partis sur un truc. C'était l'élection d'un président et c'était Elie Semoun. Donc c'est vrai que nous on avait dit bon, c'est très éloigné de ce qu'on veut faire, donc on était parti. Oui, bah en plus oui, puis c'était aussi, il y avait aussi le côté bah en fait tous les sketchs qu'on a fait, qu'on a entre kiffé, plus du tout, vous ouais. les jetez à la poubelle, donc on a ouais, ouais. plus. Oui, oui, c'est ça. Voilà, passons à autre chose. Et mais c'était rigolo parce que on avait fait un vrai travail de d'émission télé, c'est-à-dire que en fait, on avait déjà fait deux sketch shows. Alors moi, j'étais moins sur le deuxième, mais j'avais fait deux. On avait fait deux sketch shows pour Golden Moustache sur W9. Le premier qu'on avait vraiment façonné à 3 ou 4. Ouais, ouais, ouais. Et le deuxième où il y avait un peu plus de trucs, un peu plus d'auteurs. Moi, je sais que j'en avais pas écrit beaucoup sur le deuxième avec les flics. C'était ça. C'était avec Simon Astier et Greg Romano. C'était ce truc-là. Et en fait, le troisième, moi, j'étais directeur d'écriture du troisième sketch show. Et j'étais vraiment genre putain cool, on a vu tout ce qui marchait, tout ce qui marchait pas, et vraiment j'ai relu les textes, ça, certains trucs ont, moins, ont un peu vieilli, tu vois, c'est un sketch show qui avait, oui, oui, qui avait oui. 5 ans, 5-6 ans, non peut-être 4 ans, et mais franchement c'était cool. Ouais non mais oui grave, en fait, il y a des sketchs auxquels je repense et je me dis ah merde. Bah Bad Bad Guys, je les ai relus, c'est toujours très ouais, très drôle. Ouais c'est marrant, c'est mais en plus je pense que je les, en plus je les réécrirais maintenant oui, pour aller leur donner un peu plus de corps et tout, et puis voilà. Ouais vois. Bien sûr. Donc très bien qu'ils ont pas, qu'ils aient pas fait ce sketch show. Non non non, mais oui, il y a des même regrets. Dans les fils rouges, dans les fils rouges, il y avait des trucs très rigolos. C'était Simon Astier qui jouait un animateur style W9. Enfin, on faisait une parodie un peu de ce qui était une émission W9. Ouais. Et il disait qu'il était Michel Drucker, et en fait tout le running gag c'était, il dit je suis Michel Drucker, mais il y avait ni costume ni perruque. Il dit non, je suis Michel Drucker. Bah, regardez, ça c'est mon chien. On filme un chat. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais quand j'ai relu, franchement, j'ai fait. Marrant, ouais. Franchement marrant. J'aurais aimé qu'on le fasse. Mais après, en vrai, on a fait le tour du bagel. Moi, je pense, si je fais le calcul, j'ai dû faire une quarantaine, voire une cinquantaine de sketchs. Ouais, oui, tout, oui. tout cumulé, franchement, on a écrit beaucoup de trucs. Mais, moi, le sketch, et c'est marrant, j'y repensais récemment. Je me disais. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, bah, ce que tu viens de dire, en gros. Mais moi, vraiment, le sketch, tu vois, quand je repense à. Mais je suis pas du tout dans un truc genre, oh, j'en ai fait le tour ou quoi que ce soit. Moi, c'est quelque chose que je trouve génial. Oui. Juste, c'est vrai que maintenant, bizarrement, j'ai des idées où j'ai envie de. Oui, moi, j'ai des envies. Ouais, c'est mais, ça. C'est... Mais moi, les sketchs, j'ai toujours envie, quoi, je crois. Ouais. Vraiment, ça me fait marrer toujours. Mais cela dit, je dis ça, et sur le sketch show de Manu Payet, quand on a écrit des sketchs qui, au final, se sont pas retrouvés dans l'émission, ouais. j'avais vraiment des kiffs basiques bah, de putain, bah voilà, ça marche, c'est 3 minutes, c'est efficace, ouais, c'est ouais, drôlerie. Ouais. Mais en plus, je trouvais qu'on avait un super packaging, à savoir Noël. Enfin, je trouve que c'est super. Parce que c'est toujours, faut savoir, quand tu fais un sketch show, c'est toujours ce que te disent les chaînes. C'est genre, oui, mais c'est quoi le packaging, quoi. C'est en gros. C'est quoi le thème, vu que vous n'êtes pas vraiment des rostas. Ouais, c'est, c'est voilà, et donc et c'est rigolo d'ailleurs que sketch show de Manu Payet, moi j'avais proposé à Golden à une époque que ce soit un sketch show de Noël aussi. On avait dit que c'était vu que le tout premier était sorti à cette période à peu près. Ouais. Et mais bon bref, au final ça ne s'est pas fait et peut-être qu'on le fera un jour. Ouais. Peut-être un jour. Alors bonjour le Floodcast. Voilà, je voulais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours, qui est liée à vous. Alors j'ai commencé ma journée de travail comme tous les matins, ou plutôt de télétravail, je me mettais devant mon bureau, devant mon ordi à traiter mes mails, je lance un Floodcast, comme souvent, il s'agit du Floodcast Trump il est orange, avec comme invité Thomas VDB et Ambre Larazé, au bout de quelques minutes et de travail, François je suis dans mes mails avec ce Floodcast en fond et ma copine vient me taper sur l'épaule et là elle m'annonce la plus belle nouvelle de l'histoire, elle m'annonce qu'elle attend un enfant et que je vais être papa. Alors ça aurait pu être un moment mémorable, je vous imaginais comme dans les films, je me lève, je la prends dans les bras, on a les larmes aux yeux. Le seul bémol, c'est qu'en fond, il y avait Adrien Méniel qui imitait Thomas VDB. Donc toute ma vie, j'aurais ce souvenir de nous deux qui nous prenons dans les bras, les larmes aux yeux, et derrière on entend « Bah ouais mon gars !» Ouais. Donc vous allez rester dans mes mémoires toute ma vie parce que vous étiez présent avec moi le jour où j'ai appris que j'allais être papa. Et merci à tous et bonne journée. Oh, c'est magnifique. C'est très drôle, je suis désolé surtout d'avoir vraiment gâché un très très beau moment. Je suis navré. J'ai d'ailleurs raconté, parce que comme c'est un message que j'ai sélectionné, et vraiment hasard de la vie, hein, 10 minutes après, Thomas VDB m'envoie un texto. Ah génial. Donc je lui dis bah écoute, il est enceinte. Je viens d'écouter une histoire de quelqu'un qui dit ça et du coup ça a fait beaucoup rire. Après qu'il revienne Thomas d'ailleurs. Bah oui. Celui-là c'est l'épisode dont on parle. Enfin ça fait partie de ceux. Celui avec Yvick, celui avec Jonathan Cohen. Enfin le podcast raconte. Je comprends pourquoi on m'en parle. Et celui-là ce qui est rigolo c'est que je le trouve super mais je savais pas à quel point. Enfin, les gens adorent cet épisode. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il est rigolo. Il faut qu'on refasse un Floodcast raconte d'ailleurs. Alors, c'est marrant. Parlons-en maintenant. C'était un des messages, mais je sais plus où je l'ai foutu. Est-ce qu'on referait des épisodes comme Floodcast raconte ou même des Floodcast raconte? Alors, des Floodcast raconte, on a trop envie. Oui, oui, grave. Mais en plus, là, j'ai le temps. En plus, j'ai rien à foutre. Donc, je vais essayer de me motiver pour faire référence à un message précédent. Mais. Non mais en plus, enfin le Floodcast raconte, je l'avais écrit en une journée la dernière fois, donc c'est pas non plus un truc de dingue. Il faut qu'on en refasse, c'était trop bien. Nouveau message. Oh. Hello, bah moi je voulais juste conseiller aux gens qui seraient potentiellement déprimés, soit autour de la table, soit les Floodcastaldi, comme on aime à les appeler, si vous vous sentez un peu déprimé, du coup, je vous conseille vraiment de regarder des vidéos de chiens qui réagissent à leur maître qui rentre d'Afghanistan ou de la guerre, oui. Je ne sais où. Parce que vraiment, si ça vous fait pas chialer, vous êtes Michel Fourniret à mes yeux. Il y a eu un petit bonne journée quand même à la fin. Je sais pas pourquoi j'ai... Bah c'est drôle, c'est drôle. Non, c'est drôle. Moi, ça y est, là, c'est que je même sur YouTube maintenant, c'est que des trucs de chiens. De dodo, ouais. Ça, c'est vraiment... Mais... Là, j'ai découvert un nouveau truc, c'est des chiens réagissent à des doigts d'honneur. Très bonne vidéo. C'est-à-dire que t'as des chiens. Mais vraiment, oui. Enfin, bon, vas-y, oui. Non, mais je pense qu'ils sont un peu dressés, je pense qu'il y a un Bien peu des sûr. Trucs, mais t'as ceux qui vraiment se vénèrent, qui aboient, qui montent l'écran, machin. Mais alors, ceux qui soit le prennent mal et donc tournent la tête doucement, soit lèchent le doigt en ayant un peu le blanc des yeux des chiens. J'adore. Voilà. Voilà. Mais après, je pense que c'est beaucoup d'interprétation de. Tu vois, quand tu dis le chien qui tourne la tête. Ah non, mais pour moi, il réagit pas du tout. Oui, voilà. C'est oui, ça. Non, mais bien sûr, c'est juste et la c'est... vidéo est marrante. Oui, voilà. Oui, oui. Mais parce que je trouve qu'il y a un peu une tendance. Enfin, moi, je tombe tout le temps sur des reels sur Insta où c'est des challenges avec les chiens. Et là, vraiment, on arrive à un moment où bon, vous n'avez plus d'idées. Ouais. Donc laissez votre chien tranquille. Il y a vraiment le truc de. Non, mais les challenges, alors, c'est autre chose. Comme, hein, ouais. Vous faites comme si vous allez caresser votre chien, mais vous laissez votre main au-dessus et tout. Et il y a vraiment. Bon, bah, vous n'avez plus d'idées. Votre chien ne réagit même plus. Arrêtez de faire ces trucs-là. Et d'ailleurs, moi, jette un pavé dans la mare. C'est une très bonne introduction. Bah, attends, je mets un caouet. Non, bah oui, s'il te plaît. C'est le Floodcast ou quoi? Oui. Non mais moi, voilà, je tiens à dire, le chien là qui parle avec des buzzers qui dit mais des c'est mots là, faux. Bah, c'est de la connerie, voilà. C'est comme, alors d'ailleurs, j'en profite une deuxième, pour... j'en profite à chaque fois pour faire des recommandations. Il y a un podcast qui s'appelle You're Wrong About, vous avez tort sur trois petits points, hein. Et en fait, c'est un peu, il débunk un peu certains trucs. Il y en a un par exemple sur la. Alors, j'ai vraiment pas choisi le truc le plus feel good, mais sur la tuerie de Columbine. Chamé. Non, mais où justement, ils débunk plein de trucs où ils disent. Par exemple, enfin, tous les trucs qui ont été dits à l'époque, finalement, personne n'est revenu dessus, alors ouais. que beaucoup de choses étaient fausses, comme par exemple. Le fait que les deux ados faisaient partie de la Trenchcoat Mafia, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, plein de trucs comme ça. Le fait qu'on a attribué. Faisait partie de la Pantacour Mafia. Pantacour, bah, la mafia italienne. Moi, je pensais que c'est deux ados du sud-ouest, pour moi. Mais... non, mais plein de trucs comme ça. Une réplique, soi-disant, d'une. Une ado qui est soi-disant un des tueurs lui a dit est-ce que tu crois en Dieu? Elle a dit oui et le mec lui a tiré dessus et l'a tué et du coup c'est devenu une martyre et ses parents ont écrit un livre genre she said yes et en fait il y a eu plusieurs témoignages depuis qui ont dit non elle enfin ça n'est pas arrivé c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit et elle n'a pas été tuée et elle ils lui ont pas posé de questions enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça. She said yes mais à la cantine quand elle a fait tu veux du rab elle a fait yes of course. Et non mais plein de trucs comme ça et il y a un épisode parce que quand même je me dis là vous vous dites pourquoi il parle de ça, on parle de chiens qui parlent parce qu'il y a un épisode sur Coco the Monkey, le singe qui soi-disant parlait la langue des signes à Robin Williams entre autres et ils disent oui c'est vrai il avait certaines connaissances mais beaucoup de ce qui de la communication qui était faite avec les humains c'était en fait de l'interprétation, ouais. C'est-à-dire qu'il signait 2-3 concepts et après c'est l'esprit humain qui les associait et qui donnait du sens à ce truc-là, mais c'était le singe n'était pas forcément aussi il remplissait quand même des fiches d'impôts, ce qui était quand même ça assez stylé. Bonjour le podcast, moi c'est Ben, j'ai 31 ans et j'ai remarqué qu'entre Adrien et Flaubert, il y avait une véritable amitié proche de la fraternité. Adamo et un frérot. Alors je me demandais si de façon complètement honorifique, vous seriez prêt à me considérer comme un de vos amis. C'est finalement pas grand chose et en période de confinement, de Covid et puis en ce qui me concerne, d'expatriation, j'avoue que ça me réchaufferait un peu le cœur. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, alors, ton micro est insupportable en revanche. Voilà, arrête de tripoter ton. Déjà, c'est un mauvais point pour toi. Parce que j'avais sélectionné ce message en me disant ça pourrait être l'occasion de, voilà, de débattre un peu de ce qui pourrait être les qualités pour être notre ami ou ton ami et mon ami, bien parce sûr. Qu'on n'a pas forcément les mêmes critères. Bien sûr. Moi, si t'es connu déjà, bon, c'est un critère. Vaut mieux être connu pour Flaubert. Ouais, si moi, vous pouvez le faire bosser. Ouais, moi, voilà. C'est quand même un gros argument. non, je sais pas. Déjà, oui, donc ne pas tripoter son micro quand on c'est parle. C'est la moindre des choses, enfin. C'est bizarre parce que moi, c'est rigolo. C'est un débat que j'ai avec ma meuf souvent. J'ai pas l'impression d'avoir énormément d'amis. Ouais. Et pourtant, en vrai. On connaît plein de gens avec qui on s'entend vachement bien. C'est vraiment un truc que tu mets de définition. Si vous avez écouté le Un bon moment avec Kian, je vais me répéter, je suis désolé, mais par exemple, je n'ai pas vraiment. Je vois pas la différence entre ça c'est mon ami, et ça c'est mon pote, et ça c'est mon meilleur ami. Enfin, j'ai pas spécialement ça, l'impression d'avoir. C'est pas bizarre, il y a plein de gens qui ont cette façon de penser, qui disent non, lui c'est comme mon frère ou elle c'est comme ma sœur, donc s'il m'arrive quelque chose, je sais que je l'appelle en priorité. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop ça, parce que pour moi, voilà, j'ai des amis et c'est ça, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas ce truc de hiérarchisation d'amitié, en fait. Non, moi non plus, mais bon, mais je sais pas. En fait, je trouve toujours que c'est un peu un truc de gamin de hiérarchiser comme ça, de dire ah, lui, c'est mon meilleur ami, machin, etc. Non, t'as pu vivre des choses qui fait que du coup, il est particulier dans ta vie, mais. Peut-être parce qu'on a des frères aussi. De vouloir établir un classement et une classification. Ouais. Bon, après, moi, c'est parce que je pense que la vie n'a aucun sens et que je suis absurdiste, en fait. Voilà. D'ailleurs, sur ta tête, là, c'est pas un chapeau. C'est un entonnoir. Voilà, si jamais tu as besoin de transférer un liquide dans une bouteille, je te le prête, mais ça reste mon couvre-chef de prédilection. D'ailleurs, si vous. Enfin, voilà, vous le voyez pas, mais Adrien ne porte non pas un t-shirt. Non pas un polo, mais littéralement une camisole. C'est ça. Voilà donc ça, heureusement que le micro a un socle, parce que si je devais le tenir avec les mains, ce serait impossible. Ouais, et je redouble tout ce que dit Adrien, parce que ce qu'il dit en vrai, c'est je suis fou. Donc voilà. Voilà. Donc déjà, pour être notre ami, si tu n'as pas ri à ce qu'on vient de dire, c'est déjà une entrave à notre amitié, même fût-elle honorifique. Non, mais je sais pas. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des critères pour d'amitié? Après, c'est un peu, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit parce que Ouais, moi, j'en sais rien. Franchement. Non. Mais cela dit, la vérité. Si on devait lui faire un questionnaire pour voir s'il est éligible pour être notre ami, qu'est-ce qu'on mettrait dessus, quoi? Mais c'est vrai parce que c'est. Moi, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression d'avoir des critères. Et en même temps, franchement, si je mets tous mes amis, tous les gens, tout mon entourage côte à côte. Je vois énormément de points communs quand même. Oui, tu vois, tout le monde est marrant déjà, quasiment, plus ou moins. Tout le monde est plutôt sympa. Mais alors, est-ce que, d'ailleurs, ça c'est une question, est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis qui ne trouvent pas marrant? Ouais, c'est vrai. Parce que je pense. Oui, mais en fait, exister. Nous, on est tellement fais pas de blague, pour moi, tu es comme mort en fait. Non, à mais en fait, je pense qu'on a tellement le cerveau déformé par l'humour que. Enfin, l'humour, l'envie de faire rire en tout cas. Ouais, bien sûr. Et de rire, du coup, conséquemment. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des gens qui. Ouais, c'est mon pote, il est pas marrant, mais machin. Mais qu'est-ce qu'il est intéressant? Mais oui, en plus, oui, je suis sûr que j'ai déjà entendu ça. Mais moi, je pense pas que j'ai des amis que je ne trouve pas drôles du tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, un critère déjà. Ouais, on en a un finalement. Est-ce que t'es drôle, mon pote? Tu trouvais ça drôle de toucher ton micro? C'était pas du tout drôle. Si c'était une vanne, elle était nulle. En vrai, on va être honnête avec toi, le fait de toucher ton micro, t'as directement mis en dehors de nos critères. Ça a été très. Ça joue rien. On est audiophile en fait, et misophone. Moi, j'ai un critère, je pense. Être beau déjà. Être extrêmement beau. Non, mais un jour, on m'a dit à propos de moi. Que un truc qui était appréciable chez moi, c'est que j'étais pas sophistiqué. ce que je le prends plus, enfin, totalement comme un compliment. Et je pense que du coup, c'est aussi quelque chose, parce que si je fais... si je fais un peu l'article, enfin pas l'article du tout, mais je fais la liste des gens que j'aime, je pense que c'est un truc qui se retrouve un peu, tu vois, enfin, pas ça veut pas dire être un beauf, tu vois, mais je sais pas comment le décrire vraiment autrement qu'en disant ça, mais une espèce de truc de calmos, enfin je veux dire, pas forcément un truc de se prendre peut-être ça un peu, tu vois, pas trop se prendre au sérieux dans le sens où, évidemment, il y a des tas de choses qu'il faut prendre au sérieux. Mais je pense qu'il y a un côté où... la vie est courte un peu, ça fait un peu cliché de dire ça, mais... Non, mais tu peux te mettre en retrait, enfin, tu vois, de pas... comment dire, en fait, c'est plus un truc de ne pas trop se mettre en scène. Oui, tu vois, voilà, c'est ça. Un truc comme ça, de genre, c'est une vraie qualité, non, mais ta vie n'est pas un... Enfin, je veux dire, tu ta vie n'est pas un spectacle, oui, genre oui. Juste on peut apprécier les gens, même si nous ne sommes pas tous les spectateurs au second rôle de ta vie, en oui, fait. Oui, ouais, ce genre de truc, ou même, enfin, tu vois, que du coup ça entraîne parfois une espèce de calcul dans le côté ah, du coup il va falloir que je joue le jeu du personnage qu'il a envie d'être et tout. Et je pense que ça, c'est des. C'est comme quand j'entends des gens parler de séduction parfois, où ils disent ouais, non, mais là, attends, là je vais faire un truc où là je vais pas répondre à son texto quand même, je vais le laisser attendre une journée et puis après je vais répondre, puis je vais juste dire ça. Et moi, c'est des trucs, je n'ai jamais compris ouais, ça. Ça me dépasse. Vraiment, ça. Un truc genre, mais ce genre de jeu, en fait, ça me fatigue, en fait. Pourtant, j'adore les jeux. Bah, tu préfères la bonne paye, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, beaucoup plus. Non, mais et je pense que c'est ça, qu'il y a un côté peut-être. Dans le domaine du hip-hop dans lequel je baigne depuis mon enfance, on appelle ça être authentique. Oui. Avec un K. Voilà, avec un K, bien sûr. Hein. Ah, si vous êtes authentique QE, c'est de la merde pour moi. Mais authentique avec un K, vous pouvez être mon pote. Non, mais je pense qu'il y a une absence de sophistication qui est dure à dire pour moi, parce que j'ai un léger cheveu sur la langue. Hein. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Ou genre. Au moins dans. Ou tu sais. Enfin, moi, je vois des fois des groupes d'amis où il y a tout le temps du drama. Et il y a un côté genre, vraiment, la vie est assez compliquée pour que, quand je suis avec mes amis, ça reste relativement simple. Et on peut discuter en adulte quand il y a un problème et tout. Mais qu'il y ait c'est encore de la mise en scène, en fait, de genre, il y a un truc qui va pas et du coup, drama vient de... je l'invente pas, hein, le drama, c'est du théâtre, hein. Donc jardin et cour, hein. Voilà. Je connais un peu les termes. Ouais, ouais. Ouais. Michalik. Oh. Non, c'est pas ça. Là, tu fais Terminator 2. Ah, pardon, excuse-moi. Je confonds toujours le théâtre et Terminator 2. Ce passage va être... Si on ne coupe pas l'entièreté de cette question. Non, c'est super intéressant. Mais une autre de tes grandes qualités, Adrien, c'est. Et j'en parlais, c'est marrant. Je sais plus à qui j'en parlais. Mais sans doute quelqu'un avec qui t'es allé boire des coups sans moi. non, parce que justement on n'a pas du tout parlé de toi à ce moment-là. Tu étais bien absent de cette conversation. Non, c'est tu es très fort en cadeau. Adrien a une. Si vous saviez à quel point Adrien est. Enfin, moi, je n'ai jamais été déçu par un cadeau d'Adrien, un anniversaire ou autre. Il a toujours la bonne idée, le truc dont tu n'as jamais parlé, mais qui est quand même dans un truc qui baigne un peu dans ta culture ou dans des trucs, et il te dit, bah voilà. Pour vous donner un exemple, il m'a offert un livre de toutes les bites de Supergrave. Je ne savais même pas que ce livre existait. Ouais. Donc, quand tu l'ouvres, tu fais « Ah oui, ça, c'est un très bon cadeau. Mmh. Ça, c'est génial. » Et d'ailleurs, j'ai analysé, je pense, parce qu'en fait, moi, je pense, quelqu'un qui n'est pas très chaleureux et qui n'est pas très ouvert sur les autres. Et du coup, ça donne l'impression que je m'en fous des fois des gens qui ne sont pas dans mon cœur, disons, quoi. Et je pense que ces cadeaux, c'est juste pour moi un rappel de dire voilà, je te connais très bien et t'as de l'importance pour moi, et voici la preuve, parce que j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à un cadeau en utilisant tout ce que je sais de toi, et donc c'est aussi la preuve que je t'écoute et que je t'apprécie, etc. Et je pense que ça, et je me suis formulé ça récemment en me disant il y a plein de gens où c'est tout le temps des preuves d'amour au quotidien, machin, etc. Et moi, c'est vrai que je suis pas forcément le mec qui va voir les gens très souvent, etc. Mais quand il est temps de faire un cadeau, c'est my moment to shine. Non, il y a aussi une façon de dire, bah voilà, voilà, voilà, voilà. voilà, le deuxième spectacle de Kev Adams. Voilà. Et alors, j'ai une question pour toi, parce que c'est une interrogation que je me pose, et qui est un peu dans le thème. Une interrogation que je me pose. Vous vulgarisez. Vous vulgarisez. C'est une de mes, un de mes défauts. Comment tu es? Parce que moi, on me dit souvent que je ne suis pas sociable. Mais parce que je, en soirée... Et tu dis, alors regardez Adrien, si vous voulez. Non, mais on dit souvent que je ne suis pas sociable. Et pour moi, c'est quand je sens qu'il n'y a pas d'affinité, je ne me force pas. Et moi, je trouve ça plus stylé. Non, mais plus sain. Plus sain et moins vénère que de forcer ceux dont j'ai déjà été témoin, à savoir des gens où tu sens qu'ils n'ont pas vraiment de points communs et qu'en fait, ils ne se font pas vraiment marrer l'un l'autre. Donc en fait, ils parlent. Mais ou alors l'un l'aime bien mais l'autre l'aime pas trop, et du coup t'as témoin de ça et tu dis bah il fait des vannes qui sont pas drôles, enfin que tu ne trouves pas drôles, et tu te forces un peu à rire et c'est un peu visible. Oui. Et moi je n'arrive pas à jouer ce jeu là et du coup je passe un peu pour le gars qui sociabilise pas, et en même temps je trouve ça beaucoup plus sain même par rapport à la personne à qui je ne parle pas, parce que du coup je ne force pas un truc qui de toute façon serait un peu fake et désagréable pour tout le monde. Alors moi je pense que je suis vraiment ça à puissance 1000 du coup, mais puissance 1000 pareil en tout cas, mais en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi ça, aller se mettre dans un bourbier de se forcer à, enfin tu vois, après je dis pas que les premières impressions sont forcément les bonnes, il y a des gens, et j'ai sûrement fait des erreurs d'ailleurs à cause de ça, il y a des gens que j'aime beaucoup maintenant et ma première impression sur eux ça a pas été dingue, mais bah, le fait est que je les apprécie maintenant on s'apprécie maintenant sans que j'ai eu à me foutre dans un bourbier d'une situation où on a ramé tous les deux à essayer de se faire croire que qu'il y avait des atomes crochus, ouais, quoi. Et je veux dire, il y a tellement de gens, déjà j'ai pas besoin d'un milliard d'amis, et puis il y a tellement de gens avec qui c'est facile. Il t'en faut 30 millions je crois. Il m'en faut 30 millions, j'adore les animaux. La la la la la la. Pardon. Non, et voilà, s'il y a des atomes, si ça se passe facilement, ça se passe facilement. Enfin, je veux dire, c'est pas grave en fait. On peut être assez grand pour admettre que ça ne marche pas et passer à autre chose. Et peut-être dans un an, on va se retrouver dans d'autres dispositions et ça va mieux marcher. On se retrouvera. Et je pense, comme toi, que je pense que se forcer, ça peut justement. C'est pire. Créer des situations qui vont être après irréversibles, peut-être pas irréversibles, mais tu vois, ça peut créer des tensions du genre putain, il m'a dit un truc l'autre. Bah oui, il t'a dit un truc parce qu'il s'est forcé à te parler, donc autant qu'il te dise rien et que quand vous vous retrouvez, la conversation se passe mieux. Écoutez, ça fait déjà une heure et demie. On va s'écouter un dernier message. Après, on fera aussi les recos hein, quand même, il n'empêche. Mais on a un message de Louis. Yo les gars. Bah, yo. Donc voilà, moi ma question c'était plutôt d'ordre par rapport à l'humour, en sachant que bah par exemple moi qui ai vécu des drames quand j'avais 14 ans en perdant des très proches, j'ai tendance à rigoler de pas mal de sujets, de tout en fait, de que ce soit la mort, le handicap, vraiment tout. J'aurais aimé avoir un avis par rapport à ça, parce que du coup je me sens un peu seul, on va dire, dans ce truc-là, où on est tout de suite vu comme un connard, quoi, alors que c'est vraiment pas le cas. J'ai vraiment aucun manque de respect pour quoi que ce soit. Enfin, justement, je rigole de la mort, je l'ai vécu, et je rigole du handicap, je l'ai pas vraiment vécu non plus. Enfin, je veux dire, c'est... en tout cas, à plus, hein. Et Cimer, pour ce que vous faites. Oh, j'ai l'impression que c'est la question de peut-on rire de tout. Non, mais c'est on, ça. On se la prend. C'est ça, mais je peux... Pas du tout, vas-y. Non, mais... J'ai sélectionné cette question parce que justement, enfin moi c'est un thème qui me... On fait beaucoup de blagues dessus d'ailleurs dans le podcast. Souvent voilà. On dit, oh, de toute façon on peut plus rien dire. Genre. Ouais, on peut plus rien dire, mais ironique. Là, en plus de ça, enfin le truc c'est que bah là en plus il parle d'un truc qui me touche personnellement, parce que bon, évidemment moi je suis pas entièrement d'accord. Alors je vais avec lui, je vais déjà partir sur les trucs sur lesquels je suis d'accord. C'est que effectivement moi je trouve que pour le pratiquer au quotidien, l'humour pour, je ne vais pas dire exorciser, mais pour moi, l'humour, quand tu as vécu des choses dures, c'est une façon de reprendre le contrôle sur ce truc, c'est-à-dire que ces événements qui m'ont marqué, qui m'ont traumatisé, qui m'ont fait du mal, etc., je m'en sers et c'est plus eux qui me contrôlent, c'est moi qui les contrôle parce que je fais des blagues dessus. Et donc je ris des choses qui me sont arrivées, et je ris de choses qui me concernent, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, et c'est un truc qui, je vais pas dire thérapeutique, mais je trouve que c'est sain de faire ça, de faire des... Moi, je fais tout le temps, si vous écoutez le Floodcast, des blagues sur la mort de mes parents, sur ce genre de choses. Toi aussi, tu en fais sur la mort de mes parents. Mais là où je suis plus d'accord avec toi, c'est que je fais des blagues sur la mort de mes parents. C'est un sujet qui m'appartient, sur lequel, enfin que je peux, enfin que j'ai même pas à m'approprier puisque ça m'appartient. Donc je fais des blagues dessus parce que non seulement ça me fait rire moi, mais ça fait potentiellement rire d'autres gens et ça peut potentiellement faire rire d'autres gens qui ont vécu des choses similaires et qui ont pas forcément. Qu'ont pas forcément envie de rire de ce qui leur est arrivé à eux, mais du coup, de le faire via une tierce personne peut leur apporter quelque chose, etc. Et toi, qui, Florent, qui est mon pote, tu as mon accord tacite de faire des blagues là-dessus, parce qu'on se connaît très bien, et je sais qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière tes blagues. Et du coup, ça me fait d'autant plus rire, et ça me fait d'autant plus de bien de pouvoir donner l'autorisation à des gens de rire là-dessus. Et du coup, parce que du coup, bah... quelque chose qui est censé me faire du mal, du coup, me fait encore plus de bien parce que j'autorise de plus en plus de gens à transformer ça en quelque chose de drôle. Mais j'insiste sur le côté autorisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui me sont très proches. C'est pour ça que moi, quand il y a des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui me font des blagues dessus, et c'est déjà arrivé, des gens sur Twitch, enfin peu importe, tu vois, c'est les gens ont tendance à dire ah oh, bah attends vous faites des blagues là-dessus sur le podcast et moi j'ai pas le droit. Ouais, exactement, c'est ça, c'est ça. Toi t'as pas le droit parce que je te connais pas. Je sais pas quelle intention il y a derrière toi, je sais pas quels sont tes sentiments envers moi de manière générale. Donc est-ce que tu le fais je veux dire en connivence avec moi, ou est-ce que tu le fais pour se foutre de ma gueule, est-ce que tu le fais parce que c'est genre edgy et du coup tu m'utilises et tu utilises les trucs qui m'ont fait souffrir pour faire rire les gens, et du coup bah non, ça me plaît pas. Et là je parle de moi, mais c'est valable pour tous ces sujets qui sont sensibles. Et tu parles, par exemple, tu dis que tu fais des blagues sur le handicap et tu dis toi-même bah c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vécu, l'auditeur, que je connais pas. Bien sûr. Oui, l'auditeur. Et ben du coup moi je trouve que je ferai pas des blagues là-dessus parce que c'est pas un truc qui me touche. Donc en gros la seule raison pour laquelle je pourrais faire des blagues là-dessus ce serait pour utiliser la souffrance de quelqu'un d'autre pour faire rire d'autres gens et pas forcément faire rire ces gens-là. Et donc du coup moi je suis d'accord qu'il faut rire de tout, mais je trouve que bah il y a des gens qui sont bien placés pour rire de certaines choses parce que bah il y a aucun doute sur leurs intentions. Un handicapé qui va faire des blagues sur le handicap, bah ça me fait rire parce que il y a une volonté j'imagine de lui de justement se réapproprier ces souffrances là, d'attirer l'attention sur le fait que ça n'est pas que un drame. C'est aussi des gens qui font des blagues, etc., et qu'il faut arrêter de les voir comme des victimes. Donc je rirais de bon cœur à ces blagues là en revanche, une personne valide qui va faire des blagues sur les handicapés, ça me fait pas rire parce que j'ai pas juste envie d'utiliser la souffrance de quelqu'un ou la condition de quelqu'un comme un accessoire pour rire, juste parce que j'ai envie d'être faire de l'humour noir et être edgy, etc. Et je pense que c'est pas si compliqué à comprendre, je pense. C'est de la même manière que moi, tu vois, souvent entre potes, on se dit ah, ça va, connard ? Alors, alors, pauvre con, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Aucun problème. Un mec dans la rue qui va me dire ça va, pauvre con ? Je vais dire mais mec, comment tu me parles ? C'est... Ouais. Et en fait, c'est juste, mes amis, on s'autorise de façon tacite à mal se parler parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a aucune mauvaise intention autour. Un gars que tu connais pas, il a pas le droit de te parler comme ça, et en fait c'est la même chose, c'est assez simple à comprendre en fait, quoi. Je pense c'est un truc d'empathie aussi en fait, ouais, de connaître l'autre et en plus enfin on se les autorise un petit peu dans le podcast, c'est pas la foire non plus, tu vois. Enfin, il y a un peu un truc, je veux dire. Moi, Adrien, c'est mon pote, et effectivement, tu parles d'autorisation tacite, mais c'est pas pour ça que toutes les 3 minutes, je vais faire. Mais au fait tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans cette notion d'empathie que je veux dire, c'est que c'est. En vrai, c'est quand même à la c'est par rapport à la base de ta relation avec la personne. C'est vrai que moi, l'humour noir, c'est ça qui me fait pas souvent rire en spectacle ou en truc comme ça, parce qu'en fait, je connais pas la personne, je connais pas les intentions de la personne, je connais pas ce qu'elle veut vraiment dire, comme tu disais. Souvent, quand même, c'est plus parce que je suis edgy, c'est quand même ça. Pas souvent autre chose, et au-delà de ça, moi par exemple, j'ai des drames qui n'ont rien à voir, mais j'ai aussi des petits trucs dans ma vie qui m'arrivent et on en parle pas du tout dans le podcast, on en fait des blagues dans la vie Adrien, mais moi j'ai pas passé encore le truc de je peux faire des blagues publiques sur ce sujet parce que je suis encore en train de dealer avec ça et j'ai pas forcément envie d'en rire tout de suite. À côté de ça, d'autres trucs, aucun souci, enfin voilà, c'est comme tu dis, c'est bien d'avoir la corde en face et on fait maintenant, c'est devenu une espèce de punchline un peu blague quand on dit les auditeurs sont pas nos amis. Ça part quand même d'un truc de base auquel on croit un peu, c'est que nous, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de gens super dans nos éditeurs et sympas et machin, mais on ne vous connaît pas et vous ne nous connaissez pas tant que ça non plus vraiment au fond de nous. Et c'est vrai que c'est toujours ce truc de quelles sont les intentions. C'est là où, en plus, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur il y a suffisamment de gens qui existent et qui sont cool avec toi pour que tu n'aies pas à te forcer à te mettre dans un bourbier d'essayer d'être ami avec quelqu'un qui ça marche pas. De la même manière, il y a tellement de sujets sur lesquels tu peux être drôle, et tu peux te priver de 2-3 sujets sur lesquels t'es pas sûr que peut-être t'es autorisé à faire une blague. Si t'as un doute, c'est pas grave en fait. Si t'es marrant, tu vas faire une autre blague sur un chausse-pied qui sera 3 fois plus drôle que ta blague sur. Elle est déjà pas mal. Un chausse-pied, c'est un bon dessin. Je suis hooké, comme on dit. Et je pense que. C'est pas une obligation de rire de tout, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que souvent, les humoristes brandissent ça un peu comme mais c'est un devoir de rire de tout et tout. Oui, c'est un devoir, mais c'est pas ton devoir. C'est le devoir de peut-être. Enfin, c'est même pas un devoir. C'est si les gens c'est une ont possibilité, envie. C'est un droit, en tout cas. Mais c'est pas forcément ton droit sur tous les sujets. C'est le droit de tout le monde en tant que communauté, en tant que gens. Ah. On a tous le droit de rire sur les sujets. Parce que ça nous fait du bien, même si c'est des trucs qui sont censés nous faire du mal. Mais c'est pas ton droit, et encore moins ton obligation à toi. Oui, c'est pas ton devoir, exactement. Voilà, ouais. Et les discours du genre « Oui, mais si on n'utilise pas la liberté... » Oui, mais enfin, ça, c'est un prétexte. Tu te fais porter étendard d'une certaine liberté juste parce que t'as pas envie de te faire chier à faire le tri dans tes blagues. Mais en vrai... Il y a d'autres gens qui sont concernés, qui vont faire des blagues plus pertinentes sur le sujet. Et du coup, t'es pas obligé, personne ne t'attend. Quand j'étais allé voir le spectacle de Greg Romano, que j'embrasse et qui d'ailleurs... Faudrait qu'il revienne. Il va revenir bientôt. Parce que justement, Greg Romano, il parle... Donc lui, il a eu une vie pas simple. Des soucis de santé, des trucs comme ça et tout. Et ça m'avait d'autant... Enfin, ça m'avait... fait rire et ça m'avait vachement touché aussi. Ouais. Mais c'est parce que il parle de sa vie et que c'est bien écrit. Il en rit et en fait tu ris avec lui, tu ris pas de lui, ou alors si par moment tu ris de lui, c'est lui qui t'autorise justement par le fait de faire un spectacle, il t'invite à faire ça. Et du coup ça m'avait fait ça, mais encore une fois on en revient c'est des personnes qui maîtrisent le sujet parce qu'ils sont touchés directement par le sujet. Et du coup, pour en revenir à sa question, oui, si tu as vécu des drames, tu as perdu des proches. Pire des proches, ouais, bien sûr. il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et tes proches. fais des blagues sur la perte de tes proches, ça ne t'autorise pas nécessairement à faire des blagues sur la mort des proches d'autres gens, par exemple. Tu vois, moi, je m'autoriserais jamais à aller rire, aller faire une vanne sur la mort d'un proche de quelqu'un que je connais pas très bien ou sur lequel j'ai des doutes sur notre proximité et tout. Écoute, on a bien parlé, j'ai l'impression. On y est allé. Faisons quand même les recommandations. Ouais. Adrien, est-ce que tu veux que je reprenne un peu le temps que tu boives un petit coup? Je suis chaud. Ouais. Quelle est ta recommandation culturelle? Alors, j'en ai deux. Et je vais aller vite. Ce sont deux chaînes Twitch. La première... C'est la chaîne de Marie Boiseau. Marie comme Marie, Boiseau comme un oiseau, mais avec un B devant, tout attaché. Donc Marie Boiseau, c'est une illustratrice à la base. Et là, elle s'est mise à Twitch depuis un moment déjà. Et c'est vraiment une chaîne Twitch que j'aime beaucoup. Elle est très marrante. Elle fait parfois du dessin. Elle fait aussi parfois du géoguesseur, mais pas du tout. Parce que moi, géoguesseur, c'est pas un truc qui me passionne. Voilà, c'est juste mon goût personnel. Mais en fait, elle le fait où vraiment elle met trois quarts d'heure à trouver le truc. Mais parce qu'elle se balade et elle fait des commentaires sur les trucs qu'elle voit. C'est drôle. Genre, la dernière fois, elle est tombée sur des mecs qui montraient leur cul à la Google Car. Et, c'est génial. Enfin, et puis même, elle fait des commentaires. Et puis c'est toujours marrant et très chouette. Et aussi, elle a une soundboard de ondelatte. Ah. Donc forcément, ça me parle. Et voilà, elle fait parfois du dessin, mais en discutant, parfois elle fait d'autres trucs. C'est toujours très cool, une très bonne ambiance et très marrant. Et du coup, je vous recommande. Et aussi d'ailleurs sa chaîne YouTube, parce qu'elle fait aussi des vidéos où elle parle plutôt là de l'illustration, mais c'est tout aussi intéressant. Et pour rebondir sur ce truc de géoguesseur, moi j'avais une idée, je ne l'ai jamais concrétisée, mais je voulais faire un géoguesseur avec Antoine Piombino, parce qu'en fait, on vient tous les deux de Dijon, de Bourgogne. Ouais. Et je trouvais que ça pouvait être marrant de faire un géoguesseur vraiment que sur une ville. Et selon où t'arrives, ça te déclenche des anecdotes, des trucs. Ouais. Enfin, tu vois, faire un espèce de truc. Limite en battle, en fait. Tu vois, limite, toi, tu viens de Toulouse, moi, je viens de Brest. Et qu'on fait chacun les villes et chacun raconte des conneries. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Ah merde, ça fait déjà. Je crois qu'il y a quelqu'un idée. Qui fait des géoguesseurs, mais sur les endroits de ton enfance. Ah, c'est génial. Ouais, ouais. Bah, c'est super. C'est voilà, je sais plus qui fait ça, mais bon, bah, c'est vachement bien. Les gens le citeront sur Twitter. Vu que ça existe avant que j'ai dit l'idée, je peux dire que c'est vachement bien. Voilà. Et l'autre chaîne Twitch que je recommande, c'est Etienne For You. Etienne For You, qui est la moitié du binôme qui fait le podcast Request in Peace. Bien sûr. Et Etienne fait des quiz. Alors, il fait pas que ça, mais il parle de musique de manière générale. Mais il fait notamment. Alors, il y en avait. C'était hier ou non, avant-hier. C'était avant-hier. Avant-hier, il fait des quiz musicaux. Et notamment, il fait. Alors, bon, je sais pas si vous connaissez mon jeu des chansons qui baisent ensemble. Où je prends deux paroles de chansons et la réponse est un mot valise avec le nom des deux artistes, comme par exemple Booba Lavoine, ce genre de choses. Et lui, il l'a transcendé, il en a fait un vrai jeu en fait, un vrai jeu génial. C'est-à-dire que lui, il fait des mash-ups, c'est-à-dire qu'il prend l'instru d'une chanson et les paroles d'une autre. Ah oui, un peu à la DJ Zebra à l'époque. C'est ça. Ah ouais. Et du coup, la réponse est un mot valise et tout. Il fait ça, il fait des blind tests d'une seconde. Il fait aussi un truc où il redessine sous Paint des pochettes d'albums et il faut deviner, etc. Et c'est vraiment... c'est trop bien, quoi. Voilà. Parce qu'il a... Je pense qu'il mérite beaucoup plus de viewers que ça. Et du coup, Etienne For You, Etienne 4U, qui a aussi d'ailleurs un podcast qui s'appelle Party For You, où c'est des quiz musicaux aussi. Party 4U aussi. Party 4U, ouais. Et Party 4U. Ouais. Et voilà, c'est trop bien. Je pense qu'il mérite beaucoup plus de viewers que ça. Et donc, du coup, c'est Marocco. Voilà. J'avais fait un blind test, pas moi, hein, j'avais participé à un blind test de fin de chanson. C'était très rigolo. Ah, c'est parce que t'en as des très évidents et des. C'est très difficile, quoi. Ah, ouais. Et en plus, ils mettaient aussi ceux qui finissent en merde, tu sais, qui faisaient ça en dans les 80. Out. Ouais, en fade out horrible. Et d'un coup, t'as vraiment juste. Donc c'est très difficile, mais c'était très marrant comme blind test. Quant à moi, je vous conseille deux choses. Déjà l'album Kick de INXS, voilà, c'est dit. D'accord. C'est un très bon album que j'ai redécouvert cette semaine. Le groupe INXS, formidable groupe. Alors si vous avez plus de 30 ans, je pense que vous le connaissez, mais si vous en avez moins, n'hésitez pas à y jeter une oreille. C'est vraiment un groupe dont je suis extrêmement fan, qui s'est arrêté en pleine gloire suite au suicide du chanteur, bien sûr, quelqu'un encore de très très heureux. Dans la musique rock'n'roll, mais c'est un album que j'adore en tout cas, Kick, et vous pouvez écouter tout INXS, c'est très très bien. Mais dans un truc un petit peu plus moderne, j'ai lu Yearbook, l'autobiographie de Seth Rogen. Bon, ça va pas vous surprendre, je suis méga fan de ce genre de choses. On parlait de personnes qui ont l'air vraiment à la cool, alors je connais pas Seth Rogen dans le privé, mais en tout cas, cette autobiographie qui est plus une. Qui est un peu un floodcast, qui est une suite d'anecdotes qu'il a vécu un peu marrante. À chaque fois, chaque chapitre, c'est une anecdote marrante, mais qui peut être autant pendant la production d'un film que quand il était gosse. Et je trouve que c'est une forme vachement intéressante, ça doit exister depuis longtemps, hein, mais c'est une façon de faire une autobiographie super cool, parce que du coup ça se lit très bien. Moi je suis pas un gros lecteur, et chaque chapitre c'est une anecdote, et dans la... comment dire, et c'est de sa jeunesse à aujourd'hui, quoi. Donc en plus, tu suis quand même sa vie de façon chronologique. Mmh. Et la vie de Seth Rogen est un peu fou, puisque en gros, il a fait du stand-up à 10 ans. Ensuite, il a joué dans Freaks and Geeks, il avait à peine 15 ans. Et donc, il raconte pas ça du tout, mais il raconte des anecdotes de ces périodes-là. Donc, vous n'allez pas avoir un truc de Judd Apatow, il est venu me chercher à Vancouver. Non, ça, il n'en parle pas du tout. Mais par contre, il va raconter. Le jour où un mec, alors j'ai oublié le nom, mais dans la religion juive, les personnes qui circoncisent les enfants, est venu le voir alors qu'il montait sur scène et qui disait « Je veux que tu m'écrives des blagues pour que je puisse faire des blagues pendant que je circoncis les gosses. » Et il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et en gros, l'anecdote, elle est marrante parce que du coup, il y a tous ses potes qui font « Gars, c'est un... » Enfin, tu vois, il vient le chercher en Ferrari et tout, donc ouais. « Gars, c'est super dangereux. Ouais. » appelle les flics, machin. Et à côté de ça, donc il écrit des blagues, il raconte que c'est son première fois qu'il est payé pour écrire des blagues et qu'en ouais. fait il le prend super mal parce que le gars prend pas ses blagues et après il se dit mais en même temps c'est pas, enfin tu vois, c'est pas Jerry ouais. Seinfeld quoi, c'est juste un ouais. bon bref. Et à côté de ça, il y a des anecdotes très rigolotes. Moi j'aime bien son côté un peu bas les couilles de name dropper énormément, comme il fait d'ailleurs dans ses films, hein. Enfin dans ses films il y a beaucoup de name drop, mais il raconte quand il a fait passer un casting à Nicolas Cage pour le Green Hornet et que c'était n'importe quoi. Et truc un peu marrant, c'est que dans la version Audible, la version audiobook, c'est la plupart des personnages secondaires sont interprétés par les vrais mecs. Ouais, ouais. Donc il y a Michel Gondry, il y a Snoop Dogg, il y a Sacha Baron Cohen. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. C'est un super bouquin. Bon, faut aimer le gars, hein, parce que c'est-à-dire que si vous connaissez pas Seth Rogen, je pense que même des fois il dit des trucs qu'il réexplique pas. Il dit bah alors là on tournait ça, bon bah voilà, si vous avez pas vu le film, c'est un peu relou. Ouais, ouais. Mais si vous êtes fan du gars, franchement c'est super intéressant. Beaucoup d'anecdotes de drogue, mais très marrantes quand même. Mm-hmm. Et voilà. Et c'est aux États-Unis, c'est pas sorti en France, donc c'est en anglais, mais c'est vachement bien. Donc je vous conseille ce livre, cette petite rétrospective de vie. Que Seth Rogen a écrit. Voilà. C'est la fin du coup de ce Floodcast. Adrien, il y a de la bonne auberge bientôt ? Très bientôt, puisque le 6 juin, nous retournons un épisode. Donc, sur Twitch, Twitch la sur bonne Twitch, auberge. Voilà. Et puis sinon, le vendredi, il y a les épisodes découpés sur YouTube. Sublime. C'est également dispo en podcast, je le dis jamais, mais si vous préférez écouter, alors ce serait se passer. Des sublimes maquettes de Lucien notamment, et puis de nos sublimes faciès, mais en tout cas c'est... Oui, il y a un vrai tas sur le décor, tout voilà. Ça, c'est magnifique. Oui, oui. Hein. Ouais. Très beau décor. Et puis une belle gueule, t'as une très belle gueule. On a des belles gueules, et très beau décor de Dorian Hugues d'ailleurs, voilà, je la cite parce que très très bon. T'arrêtes pas d'en placer de toute façon depuis le début très de l'émission. Très beau taf. Donc voilà, le 6 juin, mais 6 juin en live sur Twitch. En live sur Twitch, nous on va refaire un épisode de Floodcast, je pense, très bientôt, semaine prochaine, je pense. Ouais. Salut tout le monde, ciao. Salut. Bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.